Vous écoutez RTL et il est 16h. Et nous retrouvons Alice Moreno pour le Flash. Situation toujours très compliquée, gare Montparnasse après l'incendie d'un poste électrique. Le trafic a été totalement interrompu pendant plusieurs heures. La direction de la SNCF invite les usagers à reporter leur trajet. Gauthier de Lombugard, vous êtes à la gare Montparnasse. Il semblerait que le trafic reprenne très progressivement. Effectivement, des milliers de personnes patientent toujours sous les panneaux d'affichage. Le trafic devrait reprendre très lentement avec 6 trains par heure. C'est 4 fois moins que d'habitude. Il faudra du temps avant un retour à la normale, avant de pouvoir réparer la panne après l'incendie d'un poste électrique à Issy-les-Moulineaux. Patrick Bortoli, responsable maintenant chez RTE, au micro de Mathilde Vincenneux. Les pompiers vérifient toujours la bonne extinction de l'incendie qui est très exceptionnelle. On n'a jamais connu un tel incendie. Et donc, dans les prochaines heures, nos experts et nos techniciens vont pouvoir très rapidement trouver le bon diagnostic. Et comme je le dis, encore une fois, je m'en excuse auprès du client SNCF parce que on a bien conscience des difficultés et de la contrainte pour tous. Les trains à destination de la Bretagne et de la Loire partent toujours de Montparnasse. Le trafic vers l'est est dérouté à Austerlitz. Des navettes sont mises en place pour relier les deux gares. Merci Gauthier de Lombugard en direct de la gare Montparnasse pour RTL. Et cette interruption de trafic intervient au tout début d'un grand week-end de chassés croisés. Sur les routes bison futé, hisse le drapeau orange dès aujourd'hui dans le sens des départs. Mathilde Bénézet, à cette heure-ci, il y a déjà presque 500 km de bouchons cumulés. Oui, et la chaleur n'arrange rien aux conditions de trafic. Les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, Cluse et le Gard sont placés en alerte canicule et pour limiter la pollution, les limites de vitesse sont abaissées de 20 km/h. Les perturbations s'accumulent donc sur l'autoroute A7, comptée à présent une heure de plus pour relier Lyon à Orange. Dans l'autre sens, si vous remontez vers Lyon, c'est à la hauteur de Montélimar que ça coince, avec un accident impliquant 3 voitures, un obstacle qui entraîne plus de 20 minutes d'embouteillage à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Radio Guidage, signé Mathilde Bénézet. Dans l'affaire Benalla, l'inspection générale de la police nationale a rendu son rapport cet après-midi. La police des polices qui conclut qu'un haut gradé de la préfecture de Paris, Laurent Simonin, n'avait pas indiqué à sa hiérarchie la présence d'Alexandre Benalla dans le dispositif du 1er mai. Tout de suite, on file sur la route du Tour pour suivre la 19e étape. RTL Tour de France 2018. Les coureurs se sont élancés à la mi-journée de Lourdes. On retrouve sur place Christian Olivier, toute dernière étape de montagne aujourd'hui. Toute dernière étape de montagne avec le sommet d'Aspin franchi en tête par Julien Alaphilippe. Le sommet du Tourmalet franchi en tête par Julien Alaphilippe. C'est le festival. Julien Alaphilippe, porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur, sauf accident, assuré de rallier les Champs-Élysées dimanche prochain avec ce maillot à poids donc de meilleur grimpeur. L'étape, loin d'être terminée, avec désormais 11 coureurs. 6 premiers échappés, plus 5 qui sont venus recoller à ces coureurs échappés. 11 coureurs avec du beau monde et pas mal de coureurs français qui vont peut-être seulement, car l'écart n'est que de 3 minutes sur le peloton maillot jaune, se disputer la victoire d'étape. Moto RTL, Nicolas Georgerot. Oui, par où? Problème de connexion avec Nicolas Georgerot alors que nous sommes désormais dans la descente, plus que la descente du col du Tourmalet. Alors je vous donne les identités des coureurs français notamment. Il y a là Julien Alaphilippe, il y a là Warren Barguil, il y a là Romain Bardet, accompagné d'autres bons grimpeurs, bons coureurs étrangers. Nieve, Kangaert, Inzaghir, également Maïka, Landa, Amador, Zakarin. Autant dire que ces 11 coureurs peuvent aller jusqu'au bout, mais le peloton semble réagir car si le maillot jaune n'est pas en danger après le Tourmalet, eh bien ce sont les places d'honneur qui peuvent l'être, le top 5 ou le top 10. Il y a donc des places à prendre, raison pour laquelle le peloton conserve un écart raisonnable pour tenter de revenir sur les coureurs échappés. Au total, 11 coureurs pour les deux dernières difficultés de cette étape, le col des Bordières et surtout le col d'Aubisque. La journée est loin d'être terminée. Il reste 56 km à parcourir. 11 hommes en tête, pas mal de Français, Alaphilippe, Barguil, donc, et Romain Bardet avec 3 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 16h30. Merci Christian Olivier. À tout à l'heure. Les courses, c'est à Chantilly. Cet après-midi, on fait le point avec vous, Dominique Cordier. Et oui, Alice, rappelons que le quintet a lieu ce soir sur les programmes de Cabourg. Départ à 20h15. À 4e, la victoire pour le 8. Slick Tag, 6€ et 2,90€. Deuxième, le 9. Bombetta, 9,90€. Troisième, le 2. Audacious Girl, 4,80€. Le 3, Supergirl et 4e. À noter que personne n'a trouvé la bonne combinaison du Super 4. Donc, deux noms partant dans la cinquième. Là, c'est le 7, la victoire pour le 2. Plumatique, 1,70€, 1,10€. Deuxième, le 6, Graphite, 1,30€. Troisième, le 3, Dylan Dancing. Et quatrième, le 5, Cool and the Gang. On se retrouve pendant les grosses têtes de l'été sur le coup de 17h10. Ma chère Alice, je vous salue. Merci Dominique, à tout à l'heure. Le temps, 25 départements sont en vigilance orange à cause de la canicule et des orages annoncés. Certains départements cumulent les deux alertes. C'est le cas dans les Hauts-de-France, en Normandie et en Île-de-France. Il fait jusqu'à 36 degrés à Lyon. Mimosa. Besoin de financer un projet en agriculture ou en alimentation? Avec Mimosa, c'est le grand public qui finance votre projet. Lancez-vous sur mimosa.com. RTL à 16h05, l'heure de retrouver Laurent Ruquier et ses grosses têtes de l'été. L'été, c'est fait pour recharger les batteries, faire le plein de soleil, de sommeil et de moments heureux avec la famille ou les amis et prendre le temps de se détendre ou écouter le meilleur des grosses têtes. Et pour débuter, je vous propose de repartir en 2016 avec son joli mois de mai, le mois des jours fériés, le mois des ponts et même le mois des grèves. Allez, temps de passer à la première citation pour monsieur Patrice Hédon. Là, je suis désolé, je répondrai pas. Pourquoi donc ? Vous connaissez ? J'occupe la station. Je réclame. Nous voulons des sous, nous ne répondrons pas aux questions. Tant qu'on n'aura pas eu des sous. Oui, c'est vrai. Oui. Ah, oui, donc oui, on ne répondra à aucune question. Vous allez bloquer la station. Je bloque la station, monsieur. Tant qu'on n'aura pas un bidon de 25 litres, on ne dira pas un mot. On appelle ça un cubi. Et de l'essence. Je vous rappelle que nous sommes payés grassement pour travailler 2 heures par jour. Payés grassement, c'est toi qui le dis, c'est parce que tu couches avec la direction. Tu es un valet du patronat. On a eu Bouvard, on aura Ruquier. C'est la révolution. Allez, la révolution. Je suis chargé par la direction de négocier. Il n'y a plus de direction. Il n'y a pas de négociation. Le jaune. Il faut le comité citoyen. Quelles sont vos revendications? Des sous. Mais pourquoi? Vous gagnez très bien votre vie, Péroni. Vous êtes là juste 2 heures par jour, de temps en temps. Dans un premier temps, on voudrait couper la tête de la direction. Pour commencer. Non, écoutez, il y a. On veut prendre votre place. Ah bah ça, c'est... Bah, on sera pas bon, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais non, on veut pas prendre sa place, on veut des sous, c'est tout. Bah, ça veut dire avoir des sous. Je suis très contente. Ah oui. Oui. Vous êtes très heureuse ici, je suis très heureuse ici, je suis contente de venir. Et bah, voyez, elle est jaune, elle est pas black. Oui, non, franchement, écoutez. Laurent, vous connaissez Sainte-Hélène? On veut des sous, c'est tout. Oh. Vous connaissez Sainte-Hélène? Non. J'allais y passer 6 ans. Non, écoutez, franchement, il n'y a aucune raison que vous fassiez grève. S'il y a bien des privilégiés. Enfin, tout le monde fait grève aujourd'hui. On en veut toujours plus. Regardez nos conditions de travail. Du pain pour les gueux. Il n'y a pas une fenêtre, il n'y a pas de moquette. On peut pas fumer. On est dans la cave. Et on n'a pas un coup à boire et de l'alcool. On a que de la flotte. Et on veut que des salades au premier rang. Non, écoutez. Non, on n'écoutera pas, c'est vous qui allez écouter. Oui, ça suffit maintenant. Non, mais je vais faire un effort, si vous voulez. Des sous. Oui, alors, et à boire. Une prime spéciale. En nature. En cas de bons résultats, le 15 juillet prochain, quand les sondages tomberont. C'est trop tard. C'est trop tard, tout le monde sera en vacances. Nous voulons des assurances écrites, monsieur Romier. C'est très emmerdant pour cette émission, parce que si Florian fait grève, il n'y aura pas de réponse. Hein. Ah, bah, mais voilà. Non, mais baissez le niveau des questions, on les vire tous, on prend des jeunes migrants, et on fait des questions... Genre 2 plus 3 égale. Et là, on pose des questions. Et on pose des questions en syrien. Déjà, on occupe la station. Je suis la seule fille en plus aujourd'hui. On veut des filles aussi. Et des qui couchent. Oh non, c'est pas possible alors. Écoutez. C'est fini les bachelots, tout ça. Je veux de la cochonne. On veut de la fraîche. Ouais. De la bonne chaudasse. Mais là-dessous et compagnie, on n'en peut plus. Et on ne laissera pas sortir le public. Vous n'avez rien de prévu après. Mais enfin, écoutez. Eh ben vous restez avec nous. Vous êtes très avantage. Arrêtez d'attaquer les femmes grosses têtes de cette émission. Vous avez vu vos gueules, vous les mecs, franchement. Et on veut un distributeur de capotes dans les chiottes. Voici un premier. Non, plus premier. On ne répond plus. C'est hors de question. On a pas c'est la grève, répondre. Il n'a pas compris. Voilà. C'est la grève, que c'est une grève des grosses têtes. Voilà. On réclame de commencer par l'invité mystère. Oui. Et on l'appelle Stevie le piquet de grève. Non, écoutez, on va pas faire grève sur le tas. Y a pas à écouter. Le tas, bien sûr, on n'est pas là. Il y a des patrons avec la trique du dernier des bureaucrates. Mais vous êtes chiant. Patron salaud, le peuple aura ta peau. Ouais. Des sous, des sous. Eh ben dites donc, grâce à vous, ça y est, je suis enfin de droite. Les grosses têtes de l'été. Avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. La bonne idée but, c'est l'opération Crazy Litry. Jusqu'à moins 50%. Jusqu'à moins 50% quoi. Allez, on change son matelas, là, pas le moment de s'endormir. Eh oui, en ce moment chez But, jusqu'à moins 50% sur une sélection de Litry. Oui, jusqu'à moins 50%. But, des prix et des idées tous les jours. Crazy Litry, Litry en folie. Voir produits concernant magasin et sur but.fr. Cet été, sur Arte, ce n'est que de l'amour. C'est le Summer of Lovers. Des films cultes, des portraits d'icônes de la séduction et du glamour, des concerts mythiques et des documentaires sur les stars de la culture pop. Y résisterez-vous ? À partir du 1er juillet, tous les vendredis et dimanches soirs, c'est le Summer of Lovers sur Arte. Rendez-vous ce soir à 22h50 avec le documentaire John Travolta, le miraculé d'Hollywood. À voir sur Arte et à revoir sur arte.tv. Arte, ouverture permanente. Avec RTL. RTL, c'est les grosses têtes de l'été jusqu'à 18h. Alors que certains préparent déjà la rentrée, nous retournons en septembre dernier. Dans le studio des grosses têtes, Michel Bernier, Florian Gazan, Philippe Gueluc, Francis Huster, Pierre Bénichoux, Bernard Mabille avec Laurent Ruquier. Vous m'avez appelé Gilbert. La dernière fois qu'on s'est vu à Bruxelles, vous m'avez dit que quelqu'un vous avait appelé Gilbert. Il m'a appelé Gilbert parce qu'il était persuadé. Non, mais les gens, en fait, ne vous reconnaissent pas toujours. Ils voient qu'ils vous connaissent, mais ils ne savent pas. C'est comme quand on voit le boucher en dehors de sa boucherie. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Et d'un second, on ne sait plus qui c'est. Et donc, surtout à la plage. Le gars me dit bonjour Gilbert. Je dis, mais je ne suis pas Gilbert, monsieur. Mais si, arrête Gilbert. Il n'avait pas tort. Hein. C'est toujours mieux que Simone. Hein. Non, monsieur, je ne suis pas Gilbert. Et là, il y a une dame qui m'avait reconnu, qui était à côté de moi, qui faisait la queue. Parce qu'il faut faire la queue maintenant pour aller à Bruxelles. Oui, en blanc. Oui, parce qu'il y a des contrôles, c'est long et tout. Pour monter dans l'Italie, c'est chiant. Et donc, il y a une dame, c'est pour des raisons de sécurité en bien même sûr, temps. Bien sûr, on ne veut pas avoir n'importe qui sur notre territoire. Ou bien, dans l'autre sens, ça ne marche pas. En revanche, en Belgique. Si. Ne dites pas ça. En Belgique. Alors là, on peut monter comme on veut. Non, en Belgique, ils ont mis, après les attentats, ils ont mis une barrière de plastique tout de même avant l'accès au train. Et ça a dissuadé pas mal de terroristes. Non, mais c'est ça qui est dingue. Dans un sens, on vous fait tous les contrôles possibles, puis dans l'autre, pas du tout. Bah oui. Mais parce que nous, on a envie qu'ils s'en aillent. On n'a pas envie qu'ils viennent chez nous. On ne veut pas les garder. Toujours est-il que le type continue à me dire, mais si, vous êtes Gilbert. Je dis, non, monsieur, je vous dis, je ne suis pas Gilbert. Il y a une dame, heureusement, qui était à côté de moi, qui, elle, m'avait reconnu, et m'a dit, mais non, monsieur, je vous jure, c'est pas Gilbert. C'est Michel. C'est Roland. Bon. Reparlons de ce monsieur qui lui aussi a des problèmes. Ça doit venir du Havre, d'ailleurs, tient de notoriété. Le Premier ministre, oui, Édouard Philippe. Le Parisien titrait ce week-end, Philippe doit encore se faire un nom. Et c'est vrai qu'Édouard Philippe a quelques soucis, au point même qu'on lui donne déjà des noms et des surnoms. Peut-être avez-vous lu dans la presse le surnom que lui donne, remarquez, quelqu'un qui lui aussi devrait... peut-être... La fermer. Oui, parce que c'est un des candidats à la présidence des Républicains qui s'appelle Julien Aubert. C'est pas le plus connu non plus. Non. Julien Aubert, c'est le groupe téléphone, non? Alors, Julien Aubert, il a trouvé un surnom, évidemment, à Édouard Philippe. Le surnom du Premier ministre pour Monsieur Aubert, c'est Ganymède. Mais pourquoi Ganymède? C'est un dieu de la mythologie hindoue? Du tout. Sont des shrooms. Il était muet? Ça s'écrit Ganymede. C'est un gnome avec une barbe? Pas du tout. C'est un géant? C'est l'inventeur du rasoir jetable? Non. C'est un personnage? Alors, ça a été un personnage dans la mythologie grecque, Ganymède. Ouais. Mais ce n'est pas à ce Ganymède-là que monsieur... Ce n'est pas l'autre nom du Micron, en opposition à Macron? Du tout. Là, on se rapproche. C'est scientifique. Scientifique, oui. Le nom d'une étoile. On se rapproche. Filante. On se rapproche. Une comète. Alors, on se rapproche. Une comète. C'est sur la Voie lactée. Non, non. C'est une planète. C'est une nanoplanète. Une planète. Une exoplanète. Alors, une exoplanète, pas tout à fait. Une macroplanète. Non, on ne peut pas dire une microplanète. Un système. Réfléchissez. On ne peut pas dire une nanoplanète. Réfléchissez. Un trou noir. Une éclipse. Non, pas une éclipse, pas un trou noir. Réfléchissez. C'est malin de la part de Julien Aubert, le candidat des Républicains. Un satellite. Alors, c'est un satellite. C'est un des satellites de Saturne. De Jupiter! De Jupiter! Le satellite de Jupiter! Ouais. Bonne réponse de Philippe Gueluc! Bravo, Gueluc. Ça, c'est bien, vous voyez. C'est intelligent, en tout cas, de votre part. Je vous remercie de reconnaître cette partie de moi. D'avoir compris que le Premier ministre était un satellite autour du président. Mais oui, bien sûr. Comme on surnomme M. Macron Jupiter. Vous pensez qu'il a vraiment dit feignant à propos des Français ou à propos des présidents qui l'ont précédé, puisque c'est comme ça qu'on justifie sa phrase, à votre avis, vous? À propos des présidents qui l'ont... Oui. Il a dit les fainéants, il n'a pas dit les feignants, si. Sont les rois fainéants. Les rois fainéants. On dit les fainéants, c'est pas fainéants. Pierre, vous avez toujours été un peu fainéant, vous. Non? Non. Non, beaucoup. Non, pas un peu. Non, beaucoup. Vous étiez une grosse fainéasse. Oui, mais pas. Fainéant. T'as pas été fainéant, mais t'es le roi. Hein. Pierre, c'est quoi la différence entre fainéant et fainéant? Ben, fainéant, c'est le premier adjectif qui est le oui. C'est l'adjectif sur lequel on a désigné les rois. Qui ne faisaient rien, qui étaient des fainéants. Donc ils font néant. Et puis néant. Peu à peu, fainéant, c'est fainéant. Fainéant et de... C'est pas tout à fait ça. Fainéant... Alors si tu le sais, pourquoi tu me demandes? Ben bon, ça va, c'est tout ça. La réponse, c'est un mec comme ça. Alors, fainéant, c'est quelqu'un qui fait néant, donc qui ne fait rien, alors que fainéant, c'est quelqu'un qui feint de faire quelque chose. Ah oui. Voilà. Quelqu'un qui ment. Qui donne l'illusion de faire quelque chose. Ah, d'accord. Voilà, c'est la différence. Pas du tout. Pas et que fait du logis, c'est quand tu fais le ménage. Voilà. Rien à voir. Ça pourrait être une question pour les grosses têtes. Ouais, ça pourrait. Et fait divers, ça veut dire qu'il fait que du ski. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Et depuis 79, il se demande s'il est sexy. Je suis allée voir du coup sur Internet. Bon, il n'est pas tout jeune, mais il est encore pas mal avec des cheveux, Rod Stewart, sur RTL. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Laurent Ruquier. Et tous les jours, en début de soirée, nous passons un coup de fil à l'équipe Direct Énergie. Tous fans de vélo avec Direct Énergie, premier fournisseur alternatif d'électricité et de gaz. RTL. Quel est votre signe ? Christine Haas, Laetitia Nallet. C'est l'été sur RTL. Quel est votre signe de retour ? Je vous dévoile tout sur votre thème astral et sur votre développement personnel. Inscrivez-vous pour participer. astro2018@rtl.fr ou appelez-nous au 3210. Quel est votre signe ? Alors à ce soir, dès 20h sur RTL. 50 centimes la minute. Mimosa ! Moi, depuis que j'ai financé mon cheptel de vache sur Mimosa, ça fait parler dans le pays. Avec Mimosa, vous pouvez financer votre projet en agriculture ou en alimentation jusqu'à 200 000 euros. C'est simple et rapide. Grâce à Mimosa, ma voisine a financé son vignoble et mon frère sa brasserie artisanale. Avec Mimosa, c'est le grand public qui finance votre projet et ça change tout. Conditions sur mimosa.com. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe, et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien, est-ce le whisky, Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. Nouveau, Sir Edwards Smoky, légèrement tourbé, intensément écossais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Quelle brochette le 9 octobre dernier dans le studio RTL. Laurent Ruquier avait choisi Fabrice Eboué, Stéphane Plaza, Titoff, aussi Caroline Diamant, Olivier de Kersauzon et Jean-Phi Janssen. C'est vrai! Vous avez un peu fait le même métier, Jean-Phi, et vous, Olivier. Oui, c'est vrai, c'est très proche, tu sais. Pourquoi vous le cherchez dès le début de l'émission? Vous étiez là, à bord, avec votre équipage. Ouais, non, bienvenue. J'ai amené les plateaux repas, petit déjeuner à mon équipage, t'as raison. Pauvre tâche. Ils cherchaient le pompon, tous les deux. Tais-toi. Un peu Stewart, quand même. Bah, c'est un peu pareil, hein, tu sais, c'est les mêmes... Je veux dire, vous étiez en charge de vie humaine, vous voyez. Parce que moi, tu crois que j'étais en charge de vie humaine. Bah oui, quand même. Bah, tu non, parles, il était en charge de la porte des toilettes, c'est tout. Hein, c'est... Non, mais quand même. Voilà. Non, mais attends. Vous aviez une responsabilité à bord. Moi, j'ai fait le métier de capitaine, j'ai pas fait le métier de steward, tu rigoles ou quoi? Ah oui, c'était le pilote. Oui, oui, c'est presque un commandant. Il n'y a pas de honte à faire ce métier si on le fait bien. Mais tu sais, personne n'a trouvé à se plaindre. Hein. J'ai fidélisé la clientèle pendant longtemps, sont revenus les gens. Non, mais ils faisaient partie comme vous du personnel navigant, c'est ça que j'ai voulu mais dire. Mais moi, je ne faisais pas partie du personnel navigant, pas les commandants. C'est le personnel commandant, c'est pas pareil. Ah oui. Et je te merde en plus. Si ouais, moi j'ai sauvé des vies, tu sais. J'ai même eu un accouchement à bord. Ouais. J'ai donné la vie. Le bébé, quand il t'a vu, il n'est pas rentré. Non, parce qu'on doit couper le cordon et tout, hein, ça non. Croit. Si, t'as vraiment eu un accouchement de... Bah oui, ouais. On met un clamp de barre. Alors, c'est un truc qui fait clips, voilà. Ouais. Et on met le bébé sur le ventre de la maman. Après, alors attends, après on doit le mettre, je ne sais pas j'ai pourquoi. J'ai pas compris la première partie de ce que vous avez fait. Vous avez mis un quoi, un clamp de barre ben, la dame, elle a accouché, alors elle a dit, pousse madame, pousse ouais. Alors, elle a poussé, le bébé est sorti, et on peut pas couper le cordon nous-mêmes, parce qu'on n'est pas médecin. Donc on a un espèce de... un clips, ça s'appelle un clamp de barre. Un clamp de barre. Ouais, bah, c'est comme une passe à l'âge. Marrant que tout le monde l'a entendu, personne ne lui a posé la question de ce que ça voulait dire. Vous en foutez de ce qu'il raconte. Non, d'accord, oui, c'est ce que ça veut dire. On sait ce que c'est. Il y a deux personnes dont on s'en fout, c'est toi et lui, tu vois. Non mais c'est vrai, il dit un clamp de barre, tout le monde fait oui. Ah oui, c'est vrai. Ce que c'était, ça, tu peux ouvrir les bouteilles aussi avec. Ouais. Oui, non mais c'est une pince à linge, hein. Mais on dit pince à linge. Et on doit mettre, je ne sais pas pourquoi, on doit mettre une étiquette sur le bébé en écrivant l'heure en temps universel à l'heure qu'il est né et pas de soin aux yeux. On doit écrire pas de soin aux yeux. Comment ça, pas de soin aux yeux? Je ne sais pas de soin nulle part, moi j'ai pas touché. Hein. On comprend mieux. Mais je croyais qu'elles n'avaient pas le droit de prendre l'avion, les femmes. Mais en général, c'est des prématurés, c'est parce que c'est avant 8 mois. Ah, oui. Et c'est le stress qui déclenche les accouchements. Non, on comprend mieux pourquoi il est steward et pas gynéco, le mec. Ah, c'est vrai que votre papa était gynéco. C'est pour ça que j'écoute avec attention toutes ces conneries depuis tout à l'heure. Il faisait pareil. Votre papa a déjà travaillé au club de bar. Non mais qu'est-ce que c'est que ça, le club de bar? Non, club enfin... de bar, oui. Ouais. Et je sais pas grand-chose, mais des fois il y a des trucs qui reviennent comme ça. Club de bar. Et ça fait bien dans le dîner. Ah oh, oui, j'ai mis un club de bar. On a mis un club de bar. Et vous avez toujours des relations avec la dame? Oh, ah, je suis parrain du petit. Non, c'est pas vrai. Non, mais t'es contente. Hein, bah, contente hein. Mais il va bien, le bébé? Oh, bah, oui, on a dit. Ah, bah, non, j'imagine l'anecdote qui fuit. T'aurais pu le mettre dans les chiottes, tirer la chasse. Ça aurait fait le plus jeune parachutiste du monde. Ce qui avait dû te faire bizarre, c'est de voir un sexe de femme, surtout. Pas tant que ça. Puis là, c'était tellement déformé qu'on savait pas ce que c'était. Non, mais c'est. Quelle horreur. Moi, j'ai des collègues de ma sœur qui est gynéco aussi, donc qui sont homosexuels, il n'y a pas de souci. Il y a des hétéros. Proctologue aussi, hein, tu peux. Oui, c'est. c'est Il a raison. T'as complètement raison. Permettez que je passe peut-être une première citation. D'autant, pitié, d'autant que Monsieur Plaza, je suis sûr, révisait tout son dictionnaire des grands auteurs. Toujours. J'ai beaucoup travaillé. Oh, okay, c'était pas forcément nécessaire pour la première citation. La voici, ce sera pour Stéphanie Guégan, qui habite Alençon, qui a dit « Si vous mangez des oignons, personne ne vous contredira. » Ah oui, ah, oui alors, effectivement. Là, c'est pas peut-être... Jean-Jacques Rousseau, a priori. Ça, c'est un comique, ça. Jean-Yann, non. Sim, non. Coluche, Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse de Titoff. Une autre citation, un peu dans le même genre, pour Jérôme Trichet, qui habite Saint-Philbert-du-Grand-Lieu, c'est en Loire-Atlantique, qui a dit « Il est difficile de dire quelque chose de positif sur le brocoli, si ce n'est qu'il n'a pas d'arête. » Français mort. C'est Jean-Yann. Pas Jean-Yann. Jean-Pierre Coff, peut-être. Mais c'est Jean-Pierre Coff. Ouais. Bonne réponse de Fabrice Hébou. Ah bah oui, Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes de l'été reviennent dans un instant sur RTL. Écoutez l'effet d'un arrivage anniversaire trop fort, Brico Dépôt. 149 euros. 149 euros! Eh oui, la débroussailleuse thermique à dos 4 en 1, 32,6 cm3, est au prix exceptionnel de 149 euros. 149 euros seulement pour cet outil puissant et polyvalent avec fonction élagueuse, débroussailleuse, tailleuse et coupe bordure! Ça, c'est trop fort! Ah oui, c'est fort, mais vous n'en faites pas un peu trop? Ben, c'est nos 25 ans quand même! Depuis ce matin 7h en quantité limitée. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Mardi, 9h du matin, après avoir fait le plein dans une station-service Total, Étienne, 32 ans, membre du club Total, arrive sur son lieu de travail, ouvre sa boîte mail, et là, il se met à crier. De joie ! Et oui, c'est écrit, il vient de gagner un an de carburant ! Un an ! Vous aussi, adhérez gratuitement au club Total et tentez de gagner chaque semaine un an de carburant juste en faisant le plein. Dans les stations participantes, hors station access, voire conditions sur total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. RTL. Tour de France 2018. Et avant de retrouver la suite de nos grosses têtes de l'été, nous partons sur la route du Tour. Bonjour Christian Olivier. Bonjour Caroline, pour des nouvelles de cette 19e étape qui conduit les coureurs de Lourdes à la Reims, au total 200 km. La dernière étape pyrénéenne, la plus, non pas difficile, mais la plus éprouvante compte tenu de l'état de fatigue des coureurs et une dizaine de coureurs encore en tête qui restent échappés, avec les Français notamment à la fin. Philippe avec Barguil, avec d'autres, avec Romain Bardet bien sûr, mais de sacrés clients comme l'Espagnol Nieve, comme l'Estonien Kangart, comme le Russe Zakarin, ou comme l'Espagnol, ou les Espagnols d'ailleurs, Inzaghir et Landa. Et ces coureurs, eh bien, possèdent 2 minutes et 15 secondes d'avance seulement sur le peloton maillot jaune. On ne cesse de le répéter durant le début de cet après-midi. Pas de véritable danger, pas de changement d'ailleurs au classement général pour l'instant, sauf accident pour le Britannique, le Gallois Geraint Thomas, mais au petit jeu des places d'honneur, 4e, 5e, 6e, 7e, jusqu'au top 10, eh bien, il y a encore quelques enjeux. Raison pour laquelle ce peloton, à défaut de forcer l'allure, tient en respect pour l'instant ses coureurs échappés. Nous sommes à 43 km de l'arrivée, avec l'avant-dernière difficulté de la journée, à 4 km 700 du sommet des cols de Bordières. Et toujours donc ce couple d'une dizaine de coureurs en tête avec les Français à la Philippe, Barguil et Romain Bardet. Étape ou fin d'étape absolument passionnante, sous un beau soleil et avec un nombre public sur le bord des routes. Prochain rendez-vous RTL Tour de France dans le flash de 17h. Merci Christian, à tout à l'heure. Le meilleur des grosses têtes sur RTL jusqu'à 18h. Retour cette fois en 2014, dans les premiers jours d'octobre. Et qui était plus jeune de 4 ans, avec une pêche d'enfer? Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Florian Gazan, Titoff, Pierre Bénichoux et Caroline Diamant avec Laurent Ruquier. Les petits Français peuvent en acheter depuis 1974. Mais c'est pourtant toujours interdit pour les petits Américains. De quoi s'agit-il ? Des préservatifs ? Non, pas des jouets. Une sucrerie ? Des cigarettes en chocolat ? Des cigarettes en chocolat, non. C'est pas des flingues, ça c'est sûr. C'est pas des flingues. C'est une sucrerie ? Une sucrerie, oui. Des malabars ? Non. Choupa choup ? Non. Attendez, est-ce qu'il y a une logique dans le fait que ce soit interdit ? Ah ben, c'est-à-dire que c'est une loi qui date de 1938 aux États-Unis, qui a interdit, de fait, quand cette chose est apparue chez nous en France en 1974, qui a interdit son exportation vers l'Amérique, alors que depuis les années 70, les petits Français, eux, peuvent en acheter. Oui, j'ai une idée ! Il y a de l'alcool dedans ! Non. La confiture ? Non. De l'After Eight ? Des gâteaux ? Mais c'est vrai que les Américains font toujours attention à ce qu'ils mangent. Il y a de l'huile de palme. De pas manger trop calorique. Il n'y a pas d'huile de palme. C'est des gâteaux ? Non, il y a une raison bien précise. Un colorant ? Non, non. C'est pas... Attendez. C'est la forme ? C'est pas la forme. C'est pas la forme. C'est le goût. La texture. C'est sucré ou salé ? C'est pas à cause du goût non plus. C'est la texture. Est-ce que c'est sucré ou salé ? C'est sucré. Est-ce que ça rappelle quelque chose ? Attendez. Est-ce que ça rappelle, par exemple... Qu'est-ce que je disais en début d'émission ? Est-ce que ça rappelle, par exemple, genre, une défaite des États-Unis ? C'est un caramel. Waterloo. Non, ou est-ce que ça a un rapport avec la ségrégation c'est raciale ? C'est raciste. Sur les carambars. Les carambars, ouais. Non. C'est étrange. Ça s'achète en boulangerie. Et oui, c'est une excellente question. Je vais vous dire que j'ai trouvé grâce au magazine Néon. Vous savez ce magazine ? Ah oui. Ce mensuel qui paraît donc tous les mois, c'est le principe d'un mensuel. Ouais. C'est intéressant, oui. C'est souvent, bien. Souvent. Ça esquinte les dents. Dites au lieu de vous foutre de moi, Péroni, trouvez plutôt la bonne réponse. Hein. Mais je ne suis pas très doué en sucrerie. C'est un jour sans aujourd'hui, non, Péroni. Non, mais s'il n'y a pas d'alcool les Kinder dedans, Surprise. Je peux pas trouver. Pardon ? Les Kinder Surprise ? Ah, bonne ouais. réponse de Florian Gazan. Les Kinder Surprise. Les petits Américains ne peuvent pas acheter de Kinder Surprise. On peut les avaler. Mais ni les grands, alors. Parce que tout simplement, il y a un jouet à l'intérieur de l'œuf en chocolat et que les produits de confiserie contenant un objet sans valeur nutritive, partiellement ou totalement encastré, ne peuvent pas être vendus aux États-Unis. C'est la loi américaine. Vous voyez ce que c'est un Kinder Surprise, Pierre Bénichoux ? Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est des trucs qu'achètent les pauvres avec des... Avec plein de trucs qui tombent partout. Mais non. Non, ça c'est des artichauts, ça fait. Mais de quoi vous parlez ? C'est des trucs comme des cornets, il y a plein de trucs à l'intérieur. Mais non, c'est le cornet sur c'est des pochettes surprises. J'adorais ça quand j'étais petit. Puis c'est pas les pauvres, c'est top, c'est les pochettes surprises, c'est là où on trouve son permis de conduire. Mais non, pas une pochette surprise, un Kinder surprise. C'est en forme d'œuf. C'est une boule avec un jouet à l'intérieur. Mais c'est logique, remarque, parce que les Américains, ils sont tellement gloutons que tu vois un petit gamin avaler l'œuf en entier, quoi, tu vois, avec le jouet à l'intérieur. C'est exactement ça, ils ont peur que les enfants avalent le jouet, tout simplement. Et ça, les curés, eux, n'ont jamais eu peur de ça. Quoi ? Où ? Ah ben, je vais vous donner l'adresse, tiens. Ouais. Je peux revenir à mes Kinder Surprise, à mes œufs en chocolat. Enfin, mes œufs en chocolat. Oui, parlons-en. Il paraît qu'il y a un petit peu d'alu et qu'il y a un petit jouet à l'intérieur. Des petits œufs en chocolat. La, la, la, la, la. Non, Laurent, c'est plus des Kinder Bueno. Mais non, mais moi j'adore les petits œufs surprises. Les petits. Okay. Les Kinder Surprise. Ah, c'est génial. C'est génial, on essaie de monter le petit jouet qui est à l'intérieur. C'est impossible d'ailleurs, en général. Ah, vous avez essayé, Bernard ? Ah, bah oui, c'est impossible. Non, mais vous voyez ce que c'est. Mais bien sûr, maintenant je vois ce que c'est. Mais ai-je une enfance si différente de la vôtre ? Oh oui. Étant donné notre horizon social ? Non, la différence. Je n'ai jamais vu les trucs comme ça. Maintenant, tu courais entre les chameaux, qu'est-ce que tu nous emmènes ? C'était leur couille d'ailleurs, les Kinder Surprise. Mais Pierre, pendant la guerre, tu n'as pas eu des rutabaga surprise ? Ah non, pendant la guerre, il y avait du jambon, du beurre. Ah oui, jambon. Ah bah dis donc, il y avait l'oncle Hans qui déjeunait à la maison. Oncle Hans. Oh mais il est prêt à tout. Non mais ma mère, oui. Non mais avouez quand même que vous avez appris quelque chose grâce au magazine Néon. Savoir que les Kinder Surprise sont interdits à la vente aux États-Unis. Ah, oui. Non, parce que faut pas. Je vous le dis, Pierre, vous qui avez des petits enfants, je sais que vous êtes amoureux de vos petits enfants, votre petite Clara, votre petite fille, vous l'aimez beaucoup. Elle est grande, Clara. Ah bon, quel âge elle a maintenant ? Elle doit avoir 16-17 ans, non ? Ouais. Ça fait autant de temps qu'on se connaît, Pierre. Elle doit avoir 18 ans. 18 ans ? Ouais, elle commence à en maison à Nice. En maison. En maison. Oh, mais elle t'écoute peut-être, espèce de grand malade. Eh ben justement, il faut l'habituer. Oublions votre petite fille, parce que je pensais qu'elle avait encore, je sais pas, 5, oui, 5 parlons, 6 ans. Parlons de tes arrière-petits-enfants. Elle aime les Kinder, mais plus les mêmes surprises. Non, mais c'est un truc qu'il faut pas faire, par exemple, j'imagine. Voyez, Bernard, donc, Caroline, qui a des enfants en bas âge ? Titoff et Florian Gazon. Oui. Voilà, vous avez des enfants en bas âge. Voilà, un truc à ne pas faire. Voilà à quoi ça sert, les grosses têtes. Vous prenez l'avion. Voilà. Ben oui. Voilà, vous prenez l'avion. Et vos enfants, par exemple, dans l'avion, ils ne tiennent pas très bien, ils crient un peu trop fort. Moi ? Ah, ça m'étonnerait. Oh, c'est arrivé, la petite rose. Non, moi, ma fille, c'est elle qui me dit chut, papa, on se fait remarquer. Voilà, non, mais si, franchement, vous êtes avec vos enfants dans l'avion, et à un moment donné, voilà, il ou elle ne se comporte pas très bien. Vous dites, si tu es sage, à l'arrivée à New York, je t'achèterai un Kinder Surprise. Mensonge. Le truc à pas faire. Ah, mais si, mais tu peux l'acheter puisque toi, tu as l'âge. C'est le petit mais non, qui c'est peut pas vendu. Il n'a rien compris. Oh, comme quoi, l'abus d'alcool est vraiment dangereux pour la santé. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. Tous fans de vélo et tous supporters des jaunes et noirs avec Direct Énergie, fournisseur d'électricité et de gaz. RTL, Radio Guidage. La route des vacances, zéro tracas, c'est avec MMA. On fait un point route tout de suite avec vous, Mathilde Bénézé. Bonjour. Bonjour. Alors, le trafic est très compliqué sur l'A7. Pour descendre la vallée du Rhône, il faut à présent une heure de plus entre Lyon et Orange. Comptez 2h40. On signale une dizaine de kilomètres de ralentissement sur ce trajet. C'est notamment compliqué au passage du col du Grand Bœuf à la hauteur de Beausemblant, mais aussi dans la région de Valence avec plus de 35 minutes de bouchons. Et puis, on vous le rappelle, en raison d'une alerte canicule dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard, les limites de vitesse sont abaissés de 20 km/h. Vous ne devez donc pas rouler à plus de 110 km/h sur l'autoroute, c'est important. Dernière information cette fois-ci pour ceux qui se rendent en Italie, il va falloir beaucoup de patience, comptez près d'une heure pour pouvoir emprunter le tunnel du Mont Blanc. Voilà, on se retrouve dans 30 minutes pour le prochain point route. C'est l'heure de la pause. Je sais, vous êtes impatient d'arriver, les vacances c'est sacré. Mais je sais aussi que vous venez de bâiller et que vos yeux vous piquent. Parce que la somnolence est la première cause d'accident mortel sur l'autoroute, MMA vous recommande de faire des pauses toutes les deux heures et dès les premiers signes de somnolence. D'autres conseils sur zerotraca.mma. RTL, Radio Guidage. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il faut se verrouiller la mâchoire ? Silence à genoux devant ceux qui gueulent plus fort que nous. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il faut laisser les clés de l'avenir aux arrogants oracles en attendant qu'ils fassent pour nous. Les idées auxquelles tu tiens, chante à tue-tête, à la face les puissants. N'aie pas peur de les rendre sourds, ils le sont depuis longtemps, depuis toujours. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il faut abandonner l'espoir et nos ivresses? Et de Jaurès, regarde la foule qui tangue et danse comme un torrent qui roule. Mort au silence, faire du bruit ensemble est une force immense. No. les puissants. N'aie pas peur de les rendre sourds, ils le sont depuis longtemps, depuis toujours, depuis toujours. Chante contre les aboiements, les abus. Chante pendant ta vie, rien ne chante plus. Chante pour conjurer tes douleurs. Nos poumons ont tous la même couleur. Chante la rue, chante à la face les puissants. N'aie pas peur de les rendre sourds, ils le sont depuis longtemps. Après avoir mis en musique la fresque musicale Jésus et fait partie du jury de The Voice, Pascal Obispo est de retour avec un tout nouveau single qui s'appelle Chante, la rue chante. Et l'album, c'est pour la rentrée. RTL, les grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Ça y est, c'est l'ultime démarque des soldes chez Carrefour. Avec 90% de remise immédiate sur tous les articles textiles déjà soldés. Non mais 90%, j'imagine déjà ma femme et ma fille. Elles vont être folles de joie. Résultat des courses, je suis parti pour 3 jours de défilé non-stop, moi. J'adore. C'est l'ultime démarque des soldes chez Carrefour. Aujourd'hui, il y a 90% de remise immédiate sur tous les articles textiles déjà soldés. Carrefour. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasin participant sur carrefour.fr. Pierre Bénichoux, Olivier de Kersauzon, Jean-Jacques Perroni, Florian Gazan, Éric Legérias et Isabelle Mergault. Une équipe de choc pour répondre à toutes les questions posées par Laurent Ruquier. C'était le 17 avril dernier. Une question pour Clara Tolmes, qui habite Auriol, dans les Bouches-du-Rhône. Pour quelle raison, j'ai bien peur que cette question ne trouve non plus preneur aux grosses têtes aujourd'hui, puisque je vais encore vous parler d'un livre, et manifestement, la littérature, n'est-ce pas, monsieur Bénichoux, n'est pas votre fort, en tout cas, la littérature contemporaine. Et là, il s'agit d'un livre, remarquez, j'ai peut-être mes chances, un livre sorti en 69, chez Stock. Ah, bah oui, ah bah oui. Il s'appelait La machine à brouillard. Pour quelle raison reparle-t-on de ce livre ces jours-ci, La machine à brouillard, paru chez Stock en 1969. Est-ce qu'on y a fait référence dans un débat, peut-être ? Non. Non. Est-ce que c'était un livre de science-fiction ? De science-fiction, non. Le brouillard dont on parle, parce qu'il y a du brouillard, c'est ouais. Machine. C'est un livre de Louis Baudin ? Un livre de Louis Baudin en 69, excusez-moi, ouais. Mais... Ouais, il avait des cheveux. Et oui, il avait 11 ans. Un livre écrit en 69 qui s'était inspiré de 68 ? Pas du tout. Est-ce que l'auteur est encore vivant ? Non. C'est un livre de 69 qui s'inspire de 69 ? Du tout. Est-ce que l'auteur est français ? C'est un livre de 69 qui s'inspire de 70. Est-ce que c'est un livre de 69 ? On va le faire pourrir, tu vas voir. Est-ce que c'est un livre de 69 qui aurait pu être écrit en 69 ? Oubliez l'année, on s'en fout de l'année. Ah, bah non, oh, c'est vous qui nous l'avez donné. Mais c'était une invitation. C'est vous qui nous l'avez donné. Est-ce que l'auteur vient de mourir ? Pas du tout. Est-ce qu'il est français, l'auteur ? Oui. L'auteur, on s'en fiche parce qu'on le connaît plus. Alors, mais si on s'en fout de tout, bah, alors... Moi, je m'en fous de la question aussi. Tu t'en fiches de l'auteur. Il a reparu sous un autre titre. Ouais. Je peux vous donner le nom de l'auteur, si ça vous intéresse. Oui. Ken Kesey, vous voyez ? Ah oui. Et autant vous dire qu'effectivement, La machine à brouillard, c'est la première traduction française du livre de Ken Kesey, qui lui... en original, est sorti en 1962. Vous voyez, c'est seulement 7 ans plus tard ouais. que c'est sorti chez nous en France sous le titre La machine à brouillard. Et le titre original. Vous voulez savoir quoi exactement ? Pourquoi on en reparle ? On en reparle. Ah, c'est que vous qui en parlez. Oui, parce que c'est une question des grosses têtes. Oui, oui, oui. Parce qu'il va ressortir à nouveau sous un autre titre. Voilà. Non. Parce qu'on va en faire un film ? Oh, il y a déjà eu un film. Ah, ben on va en refaire encore un autre. Un remake ? Une série ? Non. Le film a inspiré Milos Forman qui vient de décéder. Et alors ? C'était vol au-dessus d'un nid de coucou. D'un nid de crapaud, de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Yes ! Excellente Bravo. Réponse d'Éric Legérias et Jean-Jacques Perroni. Et oui, vol au-dessus d'un nid de coucou qui s'appelait en version originale One Flew Over the Cuckoo's Nest, vous voyez. Donc, en fait, le film qui porte le nom Vol au-dessus d'un nid de coucou est la traduction plus précise et plus littérale du vrai titre original. Mais quand le livre est sorti chez nous, puisque ça a été un livre avant d'être un film, le livre s'appelait étonnamment La machine à brouillard. C'est seulement après la sortie du film que d'un seul coup, évidemment, on a réédité le livre sous le nom Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais au départ, le livre s'appelait bien One Flew Over the Cuckoo's Nest et avait été traduit chez nous par La machine à brouillard. Vous vous souvenez de ce film, évidemment, avec Jack Nicholson. Je voudrais pas dire, mais j'ai l'impression que le déménagement n'a pas profité à Monsieur Gazan. Vous avez remarqué ? Ouais, pour l'instant, non. Trois questions, pas une réponse. Ça va venir, ça va venir. Je crois qu'il avait un souffleur dans le 8e arrondissement. Il ne l'a pas suivi jusqu'ici. RTL, les grosses têtes de l'été. Shadow, Michael Field sur RTL. 16h, 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Laurent Ruquier. Juste avant l'arrivée de l'étape du Tour de France, retrouvez le cycliste le plus combatif du jour avec le prix Antargaz de la combativité. Bonjour, c'est François Langlais. Je vous souhaite un bel été ensoleillé sur RTL. Lidl, partenaire de l'équipe Quick Step pour les produits frais. Allô patron, alerte orange chez Lidl. Enfin une bonne nouvelle. Bonne nouvelle patron, faut le dire vite. Hein. Aujourd'hui, demain, le kilo d'abricots Origine France est à 2,49€. Des abricots à moins de 2,50€? Pourquoi tu ramènes ta fraise avec ton orange? Grosse alerte orange patron, comme les abricots, à 2,49€ le kilo. Ah bravo, je vois rouge maintenant. Ah, on est mal. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 40-45, Origine France. Retour en 2016, cette fois, le 20 juin exactement. Et pour vivre le dernier jour du printemps, Laurent Ruquier avait une fille de chaque côté. Michel Bernier et Ariel Dombal, présents aussi Stevie Boulet, Philippe Gueluc, Bernard Mabille et le chanteur Christophe Willem. Je vais vous parler d'une famille, une famille de 6 enfants. Et je vais vous donner le prénom seulement de 4 enfants. Mmh. À vous de retrouver les prénoms des 2 autres. Est-ce que c'est bien clair? Oui, c'est très bien. Oui. Je peux me lancer, vous avez compris, Stevie? Allez, vous pouvez résumer?

Une question pour Marinette Belloc, qui habite Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. Question qui va nous permettre de célébrer un anniversaire qu'on n'a pas vu passer. Ah, on tient d'ailleurs à remercier le magazine Néon, qui vient de sortir en kiosque, le nouveau numéro de Néon. C'est, j'aime il y bien a trouver... longtemps que vous n'aviez pas... Eh oui, j'aime bien trouver des questions dans ce magazine. C'est bien, Néon. Il y a une page qui s'appelle « Les savoirs inutiles », donc totalement indispensables. Et je trouve que ça reflète bien l'esprit des grosses têtes, des savoirs inutiles mais indispensables. Eh bien, on apprend... par exemple, qu'en 1967 a été créée une marque qui tient à cœur à tout le monde. Marque, ben voilà, dont on n'a pas célébré l'anniversaire l'année dernière en 2017 et on aurait dû, hein, parce que 67-2017, Chantal, ça fait... Eh bien, ça fait 2000 ans. Ah, c'est trop beau pour super, être vrai. Super. Une marque créée en 67. 2000 ans. Oh là là. 67 ça fait, bah, ça fait quoi, 67, 70 ans? 67-2017. Ouais. Ah, 1900. Oui, bien sûr, oui. Bah, oui 1967-2017. Quelqu'un peut l'achever? 50 ans. Les bravo. 50 ans. Oh dis donc. Voilà. Elle est rapide. Hein. Elle va à une vitesse. Elle va à une vitesse, on dirait un vieux PC. Ça se fête quand même 50 ans. Ben on les a laissés passer. L'année dernière, c'était les 50 ans de cette marque. On nous le dit là dans Néon, qui heureusement rattrape le coup en 2018. Mais il était temps que je vous en parle. Alors, quelle est cette marque ? Durex. Durex, non. Marque française. Alimentaire. Alimentaire, oui. Française. Française. Française, oui, monsieur. Enaf. Pardon. Enaf, Enaf. Ah, le pâté Enaf, non. Rivoire et Carré. Rivoire et Carré, non. Ça se mange à l'entrée ? Comment ça, à l'entrée ? Eh ben, pour une entrée. Ah non, ça se mange pas en entrée. C'est plutôt au dessert. Ça se mange pas au dessert non plus. Ça se boit ? Ça se boit plutôt. Ah, Benko, Benko ! Qui a dit Benko ? C'est moi. Le chocolat Benko. C'est Benko. Bonne réponse ! Ah, Benko. Moi, je connais pas Benko. Mais si, avec oui. Benko, des marais plein pot. C'est Franck Dubosc hein, qui a relancé un peu la Benko. Marque Benko. Oh, dans Camping. Ah oui. Ah ben oui, avec son Benko. Ouais, bah oui. Vous buvez pas du Benko, Stevie ? Je bois, non, non. Moi, je préfère le Van Houten. Ah, c'est un peu amer. Ah, le Van Houten. Ah oui, j'adore ah, vous, ça. Des goûts de luxe. Ouais. Ah, nous, on est Nesquik, nous, on est Nesquik. Non, parce qu'il y en a du sucré aussi. Ah ouais. Du Van Houten ? C'est une marque de petit déjeuner, évidemment. Hein. D'une poudre chocolatée, parce que je vois bien que vous ne connaissez pas Benko, Pierre Bénichou. Vous prenez quoi au petit déjeuner, alors, vous ? Du café au lait, moi. Du café au lait. Je prends pas de la chicorée ? Non, du café, on a du café. Depuis la guerre, on a du café. On a arrêté le ricoré avec... c'est Hans, quand il est parti en 47, parce qu'on a gardé les Allemands 2 ans de plus dans la maison, nous. Ouais. Ils étaient très gentils. Et, par contre, vous dîniez à 18h, quoi. Et ils sont partis en 47, ouais. Ils ont apporté tout le ricoré. Ah, le café à la française. Et ils ont apporté tout le ricoré. Et depuis, on boit du café avec du lait dedans. Alors, on fait chauffer le café, tu vois, et on met un peu de lait froid. Un nuage. Pardon ? Un nuage de lait. Non, un nuage de lait, c'est dans le thé. Dans le café, tu mets un peu de lait. Un peu, d'accord. Plutôt, non mais, suivant les conseils, t'es plutôt c'est du lait quoi ? Du Candia, du Gloria ? C'est du lait plutôt, du lait crémé ? Du lait 50% écrémé. D'accord, combien, c'est combien important. De sucre ? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec Pierre, c'est longue conversation. Ouais. Et donc, ils ont tendu grand-mère à la libération, alors. Vous êtes seul au petit déjeuner ? Ouais. Ou il y a quelqu'un qui vous prépare le petit déjeuner, Pierre ? Ça dépend, des fois je le fais partir avant, des fois je le fais prendre avec moi. Et vous prenez... Elles sont gentilles parce qu'il y a 3 sœurs et une cousine. Elles sont toutes les 4 là. Vous prenez votre petit en pyjama veste ? Au lit ? Non, pas du tout, je le prends à poil, elles adorent ça. Il faut qu'elles aient avec Théo aussi pendant que je mange. Mais on va arrêter. J'en ai démarré, dis donc. Ah, okay. Elles doivent en avoir de la brioche. Hein. Et de la mousse au chocolat. Et de la baguette de la veille. Je peux te dire. La baguette de la veille, c'est plutôt mieux que la baguette du jour. Il reste la que baguette le du jour, c'est plus chaud, mais c'est tout mou. Ah ouais, ouais. Tandis que la baguette de la veille. Il reste que le quignon, à mon avis. Le vieux crouton, surtout. Et après j'arrête cette émission à la seconde. Faites-la 10 minutes sans moi, vous allez voir comme vous allez vous faire chier. RTL, première radio de France. 17h. La suite de vos grosses têtes de l'été, juste après les infos. Alice Moreno. Et à la une, le trafic toujours extrêmement perturbé en gare Montparnasse à cause d'un incendie sur un poste électrique. Pendant plusieurs heures, aucun train n'a pu partir ou entrer en gare. Mathilde Vinceneuve, vous êtes sur place pour RTL. Le trafic reprend très lentement. Oui, la situation est toujours très compliquée à la gare Montparnasse avec 3 trains par heure au départ. C'est 4 fois moins que d'habitude. Ici, seuls les trains à destination de la Bretagne et de la Loire sont maintenus. Les autres sont délocalisés en gare d'Austerlitz. Certains voyageurs patientent toujours assis sur les marches ou devant les panneaux d'affichage. Et depuis de longues heures maintenant, c'est le cas de Cyril. Il devait partir en vacances pour Poitiers. On devait partir pour midi et demi et on est toujours dans l'attente. Nous, on connaît personne sur Paris, donc on est un peu coincé. On nous dit d'attendre. Alors on attend, on a de l'eau, les toilettes sont payantes, parce qu'évidemment, on m'a répondu qu'il fallait bien payer l'eau. La gare n'est pas très accueillante, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Quoi. Ça manque franchement un peu d'humanisme. Et les fortes perturbations devraient continuer au moins jusqu'à la fin de la journée. La SNCF invite donc les voyageurs à reporter leur trajet et à se faire rembourser leurs billets. Merci Mathilde Vinceneuve en direct de la gare Montparnasse pour RTL. Cette situation, cette grosse pagaille et l'évolution de la situation, on y reviendra évidemment largement dans RTL Soir dès 18h avec Vincent Parisot, le directeur général adjoint du groupe SNCF. Mathias Vichra sera notre invité. Sur les routes, Bison Futé hisse le drapeau orange dès aujourd'hui dans le sens des départs. Mathilde Bénézé, on dépasse maintenant les 600 km de bouchons cumulés. Oui, et les routes sont donc très chargées. C'est le cas par exemple sur l'A10 où il faut compter un quart d'heure de ralentissement en arrivant sur Orléans. Plus loin sur la 71 en direction du sud, vous roulez au pas pendant une dizaine de kilomètres au passage de l'agglomération clermontoise. Et puis sur la 7, c'est toujours aussi compliqué. Prévoyez maintenant 1h15 de plus pour aller de Lyon à Orange. Dans l'autre sens, comptez 40 minutes de plus. Merci Radio Guidage, signé Mathilde Bénézé. Après les Républicains, c'est au tour de l'opposition de gauche de déposer une motion de censure contre le gouvernement dans l'affaire Benalla. La France insoumise, les groupes Nouvelle Gauche et Gauche démocrate et républicaine font front commun. La motion sera débattue mardi prochain. On part maintenant sur la route du Tour de France. RTL Tour de France 2018. 19e étape du Tour cet après-midi. On retrouve sur place Christian Olivier. Les coureurs se sont élancés de Lourdes à la mi-journée direction la Reims. Oui, à 31 km de l'arrivée, l'avant-dernière difficulté de la journée, le col des Bordères. Il se passe beaucoup de choses dans cette ascension du col des Bordères avant de franchir ensuite et de monter plutôt le col d'Aubisque avec trois hommes en tête. Ils ne sont plus que trois. Romain Bardet le français. Il y a là également Landa l'espagnol et Maïka qui possèdent quelques secondes d'avance sur leurs anciens compagnons d'échappée. Mais au sein du peloton maillot jaune, il y a plusieurs attaques, notamment de Dumoulin et de Roglic pour mettre à mal peut-être le maillot jaune Geraint Thomas concernant Tom Dumoulin et pour mettre à mal la troisième place de Froome concernant le Slovène Roglic. Moto RTL pour un point le plus complet sur la course avec Nicolas Georgiou. Effectivement, avec deux accélérations coup sur coup de Tom Dumoulin dans cette ascension du col de l'Obisque, bon, en passant par le col du Souleur. Ensuite, c'est Roglic effectivement qui a accéléré avec une réaction immédiate de Geraint Thomas, mais Froome est en difficulté depuis quelques hectomètres. Il fait un peu l'élastique avec ce groupe maillot jaune où il y a également Dan Martin, mais évidemment on a vu les attaques de Bardet, de Landa à l'avant de l'attaque, à l'avant de cette course, et donc évidemment réaction du groupe maillot jaune dans cette ascension du col du Souleur dont on est en train de franchir le sommet. Ça va redescendre un tout petit peu, ce sera la fin de l'ascension pour le col de l'Aubisque. On est à 1500 mètres d'altitude, il y a le brouillard, il faudra faire attention aussi dans la descente pour les coureurs, garder la lucidité pour ne pas chuter. Le col d'Aubisque donc monté de 16 km 600 points à très précisément 30 km de l'arrivée. Les choses sont claires pour la victoire d'étape. Trois coureurs vont peut-être et peut-être seulement se la disputer. Il s'agit de Romain Bardet, il s'agit de Landa, il s'agit de Maïka, et j'ai le sentiment que Zakarin le Russe est revenu. Ils sont donc quatre avec Zakarin le Russe, avec Maïka, avec Bardet et avec donc Landa, peut-être pour la victoire d'étape, avec une poignée de secondes d'avance maintenant sur un deuxième groupe. Et l'écart maintenant est très serré. L'écart n'est plus que de 40 secondes sur le groupe, donc maillot jaune avec Yann Thomas, avec Chris Froome qui était en difficulté mais qui recolle, avec Roglic qui a attaqué, avec Dumoulin également qui a attaqué, et avec des coureurs donc qui nous offrent un spectacle magnifique à l'occasion de ce final qui nous conduit donc jusqu'à la petite localité de Larens. Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 17h30. Merci Christian Olivier, Nicolas Georgerot sur la route du Tour pour RTL. Le temps, 25 départements sont en vigilance orange à cause de la canicule et des orages annoncés. Certains départements cumulent les deux alertes. C'est le cas dans les Hauts-de-France, en Normandie et en Île-de-France. On atteint jusqu'à 36 degrés à Lyon. RTL 17h05, l'heure de la suite des grosses têtes de l'été de Laurent Ruquier. C'est vrai, jusqu'à 18h, c'est les grosses têtes de l'été. La suite, avec ce retour en 2015, le 25 novembre, et si ma mémoire est bonne, c'est bien le jour de la Sainte-Catherine. C'est le jour où l'on coiffe Sainte-Catherine, enfin c'est ce qu'on faisait avant. Est-ce que c'est pour ça que Laurent Ruquier avait décidé d'inviter la styliste Inès de la Fressange, pour être bien coiffée peut-être? Aussi Christine O'Krent, Chantal Latsou, Titoff, Pierre Bénichoux et Grishka Bogdanov. Alors la question pour Fabien Marette, qui habite Étival-lès-le-Mans, c'est dans la Sarthe, concerne une jeune femme qui s'appelle Niam Djehaney, et elle en a trouvé 3 sur 7 grâce à Internet. Qu'a-t-elle trouvé ? Elle en a trouvé 3 sur 7 grâce à Internet. Des maris, non. Ah, c'était une collectionneuse de quelque chose. Oh, elle collectionne rien. Des nains, peut-être. Des nains. Ah, ça, c'est intéressant. Blanche-Neige, ah oui, ça, 7. Elle aurait trouvé 3 nains sur 7 grâce à Internet. Ben, voilà. Une bonne réflexion. Ah, non, mais c'était une bonne réflexion. Ben, ouais, sept, qu'est-ce qui vient par 7 Les 7 mercenaires. Non plus. C'est un objet ou c'est quelque chose d'abstrait? Ce n'est pas un objet. C'est un site, alors des sites. Ce n'est pas abstrait. Elle en a trouvé 3 sur 7 grâce à Internet. Il en existe 7. C'est très difficile parce que le chiffre 7... Des homonymes. Hein. Des homonymes, non, mais c'est très bien réfléchi et pensé, ça, chère Inès. Des cousins, de la famille. Des cousins, non, mais on se rapproche. Elle a 26 ans. Des frères et sœurs. Non, elle a 26 ans, elle est irlandaise. Des sosies de son mari. Non. Des sosies d'elle. Des sosies d'elle, car il paraît que chaque personne au monde a 7 sosies. Elle en a trouvé 3 sur 7. Bonne réponse de Chantal Latsou et des Partikoff. Ouais, ouais, ouais. Et oui. Bon, c'est peut-être pas la peine quand même d'en rajouter autant, cher Chantal. On marche en équipe aujourd'hui avec Chantal. C'est important quand je trouve, si, c'est très important. Elle voulait vérifier si la croyance selon laquelle chaque être humain possédait 7 sosies sur Terre était bien réelle. Et elle en a déjà quand même trouvé 3 sur 7. 3 sosies. Vous avez déjà un sosie, c'est votre frère. Et à 2, on en a 14. Ouais, enfin là, je suis pas sûr qu'on trouve. Hein, par contre. Déjà, bon, si on en trouve un, déjà. Non, mais il paraît qu'on a 7 sosies. Mais j'avais jamais entendu ça. J'ai lu l'autre jour qu'un type est arrivé dans un avion et il est tombé sur son sosie. Ah. Tout l'avion a applaudi, ils ont trouvé ça formidable. Ah, oui. Donc il y a eu plein de photos sur Twitter. Il l'a trouvé trop moche. Non, ils étaient très contents. Ils ont fait un selfie et tout s'est passé sur tous les réseaux sociaux. Mmh. Sauf qu'il était un peu rond, gros, blond, barbu. Et alors, il y a plein d'autres gros ronds barbus qui sont dit, mais nous aussi, on est sosies, ils ont envoyé leurs photos. Alors là, c'est pas 7, c'est tout d'un coup 1000 gros ronds barbus qui sont apparus. Non, mais alors, il faut faire attention, il faut quand même que ce soit très ressemblant. Parce que, par exemple, Pierre Bénichoux a plusieurs sosies sûrement. Non, c'est vrai, mais moi, je qu'on n'a pas trouvé encore. Je meurs de peur de trouver des sosies. Ah, pourquoi? Je sais pas, ça doit être terriblement gênant de voir quelqu'un qui sourit comme vous, qui est là, comme ça. Oh, si je trouve un de mes sosies, crois-moi qu'il passera un mauvais quart d'heure. Moi, je crois souvent des femmes qui me disent « Ah, on me dit souvent que je vous ressemble. Hein. » Je fais un rire jaune, un peu crispé. Parce que vous trouvez qu'elles ne vous ressemblent pas, généralement, les dames qui vous disent ça? Ben, on ne trouve jamais. Non, c'est les autres qui peuvent trouver, oui, à la rigueur. Mais enfin, une fille avec des yeux un peu globuleux, le poil ras. Non, monsieur, les conneries, ça. C'est tout. Pas du tout comme ça. Par exemple, vous avez un peu un sosie dans le métier cinématographique. Oui, c'est Charles Gérard, qu'on voit souvent dans les films de Claude Lelouch. Charles Gérard. Non, qu'est-ce qu'il a à faire chez Guilux, là? Alors, sérieusement, Charles Gérard, on parle ensemble. Ah, Charles Gérard, il n'y a pas la voix comme ça. Si. Pas la voix, un sosie, c'est physique. Physique. Les gens vous détestent tellement. La haine est en fait le seul moteur entre les gens. Le type, là, qui fait l'émission, là, comment... m'a dit un jour, il y a 10 ans, je vais vous dire, c'est pas me donner des coups de pied, mais j'étais pas mal il y a 10 ans. Je dis, vous voyez, maintenant, t'es mieux. Bon. Et il m'a dit, je voudrais faire un film sur San Antonio pour te faire jouer Berrurier. Berrurier, c'est l'horreur. C'est le gros mec qui a de l'œuf qui lui coule de la bouche, qui a les ongles noirs, dont la femme pèse 100 kilos. Enfin, tu vois. Alors je dis, Berrurier. Il dit, oui, mais tu le ressembles. Et après ça, je l'ai pris. Après l'émission, je dis, mais pourquoi tu me dis ça, Berrurier, ou quoi? Tu verras. Et bien, ce con-là, je ressemble à Berrurier maintenant. 10 ans après, il a eu raison. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. L'étude exclusive réalisée par MMA révèle que 81% des conducteurs réduisent leur temps de sommeil en vue du départ en vacances. Pour éviter la somnolence au volant, MMA vous recommande de partir après une bonne nuit de sommeil. Retrouvez d'autres conseils sur zerotraca.mma. RTL Petit Matin. Bonjour, c'est Stéphanie Loire. Je vous donne rendez-vous tous les week-ends de l'été pour jouer au brunch RTL et faire le plein d'infos pour briller en famille pendant vos barbecues de l'été. Je m'occupe du café, vous amenez les croissants. Stéphanie Loire, RTL Petit Matin. Alors à demain, 5h sur RTL. Ça va se jouer au finish entre deux cyclistes. Oh oui, Bazo, j'ai du vivier vont franchir la ligne et le gagnerait. L'alerte discount! Je dois filer. Aujourd'hui, les pêches jaunes et blanches Origine France sont à 1,59€ le kilo chez Netto. Quel beau finish, cette alerte discount! Netto, le discounter qui fait la différence. Calibre B catégorie 1, magasin participant sur netto.fr. Conforama, le confort pour tous. Jusqu'à moins 80% sur une sélection de produits. C'est maintenant les soldes chez Conforama. Et oui, jusqu'à moins 80%, c'est ça la dernière des marques. Conforama, date des soldes selon département, conditions en magasin et sur conforama.fr. Direction l'hippodrome de Cabourg. Bonjour Dominique Cordier, c'est l'heure des courses. Eh oui, c'est l'heure des... Mais nous sommes à Chantilly encore, ma chère Caroline, parce que Cabourg, vous faites bien de le dire, c'est ce soir et c'est le quintet, départ à 20h15. Nous sommes donc à Chantilly avec les rapports de la 6e. 2 chevaux n'ont pas couru, les numéros 7 et 8. La victoire pour le 2, Elusive Boy, 5,10€, 1,80€. Deuxième, le 4, Green Euro, 4,10€. Troisième, le 9 et Marton, 1,90€. Le 10, Varius, est quatrième devant le 11, Give Me Style. C'était un pic 5, combinaison gagnante. Le 2, le 4, le 9, le 10 et le 11. La 7e, la victoire pour le 8, Marina Palace, 8,40€, 2,80€. Deuxième, le 4, La Farfelina, 3,10€. Le 7, Dancing Master, est troisième, 3€ Touron. Devant le 3, Upland Cassidy. Il reste une course sur les forums de Chantilly, ma chère Caroline. Mmh. C'est un pic 5. Autrement dit, on en retrouvera les rapports sur le 32-10 ou sur RTL.fr, rubrique On refait les courses. RTL.fr, rubrique On refait les courses, où vous trouverez notamment le pronostic de Claude Piersanti, un pronostiqueur très en forme pour le quintet de ce soir à Cabourg. Pour ma part, j'aurai le plus grand plaisir de vous retrouver demain matin à 7h15 pour le premier pronostic de la réunion d'Anguien dans le matinal de Bernard Poiret. Je vous ai tout dit, ma chère Caroline. Non, très bien, je croyais que vous alliez monter sur votre cheval et direction Cabourg pour ce soir, mais non, c'est... Je pourrais le faire. J'en suis sûre. Merci Dominique, bonne soirée. Les grosses têtes de l'été sur RTL jusqu'à 18h. La suite avec cet extrait du 9 janvier dernier. Dans un instant, nous aurons Christelle de Boulanger au téléphone et on parle beaucoup d'elle dans la presse aujourd'hui, indirectement, parce qu'il faut quand même le dire. La baguette. Rien à voir avec la baguette. Madame de Boulanger est normande et c'est elle qui a connu avant 3 ans. Qui a connu quoi ou ah, qui ? Le cheval ! Allez-y Bernard. Le cheval que Macron a offert au président chinois. Excellente réponse de Bernard Mabille. Il a 3 ans. Eh oui. Bon, Bonjour Madame Le Boulanger. Bonjour à tous. Non, vous n'êtes pas un peu triste quand même que le cheval soit parti en Chine au fond? Non, nous ne sommes pas tristes. Non, nous sommes très fiers qu'il ait été sélectionné pour symboliser la tradition française et offert par le président Macron. Oui, c'est bon. Mais ce cheval de riz, c'est très bon. Qu'est-ce que vous dites? Un champion, le cheval, on peut le faire les beignets. Il ne faut pas manger le sabot, c'est dur car c'est tard. Avec des baguettes. Il ne faut pas manger le sabot. Bon, c'est très bon. La petite couille, elle a été castrée. Oui, j'ai gentil, monsieur Macron, la faire sandwich en doux. Sandwich cheval, très bon. Des raviolis à la vapeur. Bon, écoutez, je vous en prie, les Chinois mangent pas plus de cheval que vous et moi. Enfin, oui. Heureusement qu'il n'ait pas emmené son chien, Macron. Ouais. Il mange tout. Oui. Il a de chance. Parce que là, le Nemo est terminé. Ce n'est pas n'importe quel cheval, c'est un cheval de la garde républicaine. Un magnifique cheval. Vous pouvez nous rappeler son nom, Madame de Boulanger. Après, on va vous laisser tranquille parce que mes camarades sont là, qui disent des bêtises. On va vous laisser pleurer. Oui. Merci, Madame de Boulanger. Comment s'appelle le cheval, alors? Le cheval s'appelle Jésus de Bréca. Excusez-le, madame, excusez-le. C'est un gougnafier, madame. J'ai honte. Vésuve de Bréca. C'est une jument, alors? Alors non, c'est un hongre, en fait. C'est un mâle. Un mâle castré, non? C'est un ça mâle castré, tout à fait. Ça, ouais. Ah, il manque à bout. Monsieur Macron, l'enfer cheval, il a emmené les boules dans une valise. Il a gardé les boulettes pour lui. Quand on est, c'est pas bien. Mais que va dire votre femme, monsieur de Kersauzon? Elle va dire quand tu as encore passé du temps dans ma famille. Je vous rappelle que la femme d'Olivier de Kersauzon a des origines chinoises. C'est pas vrai. Oh non. Alors franchement, c'est pas bien. Vous moquez. Elle t'a choisi parce que t'es... Vous moquez de votre belle famille. Mais c'est pour ça qu'il connaît les produits culinaires de la région. Bah c'est voilà. Tout. En tout cas, ce cheval qui a été offert est un magnifique cheval hongre, bah c'est oui, vrai. Oui. Vésuve de Bréca. Mais quand même, il va être loin de la Manche, son pays d'enfance. Mais il est près de la baguette. Il va s'accoutumer facilement là. Bien sûr, ça s'accoutume. On peut faire la sauce soyo, les chevals, c'est sans suite, c'est très bon. Ils ont acheté un grand fétou. Mais non, mais écoutez, le président, c'est que le numéro sur le menu, le cheval. Il le transforme, il le transporte en cheval vapeur. Les Chinois feront pas plus de mal à notre cheval qu'on a fait de mal à leur panda. Voilà. Ouais. Enfin, le panda nous coûte plus cher que le cheval. Hein. Ah oui. Parce que le panda, il est en location, n'oubliez Sauf pas. Que nous, c'est un cheval de la garde républicaine, on peut être fier. Et d'ailleurs, le président chinois, quand il était venu chez nous en France, avait vu la garde républicaine et c'est là que... Il avait dit, c'est bon, à manquer. Mais j'aimerais bien manquer celui-là. Le numéro 87-82-37. Madame Le Boulanger, je vous demande d'excuser Olivier de Kersauzon. On le sort régulièrement. Madame Le Boulanger, au revoir et bon appétit. N'écoutez pas, Madame Le Boulanger, n'écoutez. J'ai honte, vous Madame savez. Le Boulanger, je suis là, j'essaie. On sait bien que les grossesses, c'est une émission du monde. Non, franchement, on est dans la diplomatie du cheval, et c'est évidemment très bon pour les futures ventes. Au goût, c'est bon, mais oui. Ah oui. C'est évidemment très bon pour les futures ventes des chevaux normands. Nous l'espérons volontiers, tout à fait. Je pense que c'est une bonne publicité pour nos chevaux, en effet, pour la Normandie. Exactement. Et surtout pour les produits français, en effet. Le cheval a été remis aux Chinois. Chaque cheval a été 100 litres de crème moffée. il a été remis avec son harnachement d'armes, selle et sabre. C'est pas digeste, ça. Non. Selle. C'est un peu comme la fève dans la galette. Tu vois, c'est quand tu manges le cheval, si c'est toi qui as le casque réduit du garde républicain, c'est ça que le roi. Et en fait, c'est le PMU qui a payé le cheval. Mais c'est ta femme qui t'a appris à parler chinois. Emmanuel Macron a offert un beau cadeau au président Xi Jinping. Oui, et d'ailleurs, Mireille Mathieu chantera à Pékin. Comment elle va chanter à Pékin?

En ce moment, la Peugeot 108 est à partir de 7 990 euros. Offre non cumulable sous conditions de reprise de votre véhicule, prime à la conversion de l'état déduit, détails sur offre.peugeot.fr. Écoutez l'effet d'un arrivage anniversaire trop fort, Brico-Dépôt. 2 euros. 2 euros le mètre carré ? Eh oui, la plaque de plâtre BA13NF 2,50 m par 1,20 m est au prix incroyable de 2 euros le mètre carré. 2 euros seulement le mètre carré pour ces plaques certifiées NF idéales pour rénover vos murs. Ça, c'est trop fort. Ah oui, c'est fort. Mais vous n'en faites pas un peu trop? Ben, c'est nos 25 ans quand même. Depuis ce matin 7 heures en quantité limitée, soit 6 euros la plaque. La qualité, le prix, Brico-Dépôt, l'essentiel en deux mots. Les grosses têtes de l'été sur RTL jusqu'à 18h. C'était le 27 février dernier. Écoutez Laurent Ruquier et les grosses têtes. Et oh, le salon de l'agriculture. Vous allez au salon de l'agriculture, Karine Le Marchand? Non, non, l'agriculture vient à moi. Oh, oh sorry. Demain, je vous amène 6 agriculteurs, d'ailleurs. C'est pas vrai. Bah, ici, si, à RTL. Si, à RTL. Mais pourquoi vous n'allez pas au salon de l'agriculture? C'est très éprouvant pour moi. Regardez, le président Macron, il a passé une journée entière, il a battu le record. Oui, mais lui, on l'engueule, moi, on me tripote. C'est plutôt agréable. Non. C'est pas vrai, on vous tripote au salon? Bah, bien sûr. Comment ça? Bah, je suis un peu leur chose, je leur appartiens. Et ils te balancent des porcs? Non. Non. Vous vous faites tripoter? Non, mais c'est vrai que je, comme bah, Stevie, les agriculteurs, allez-y. Ils me connaissent. J'y vais tous les ans, moi. Ouais. Comment ça, vous y allez tous les ans? Tous les ans, j'y vais. Cette année, c'est plus compliqué parce que mon ministre, il a quitté... Mon ministre. Le ministère de l'Agriculture, mais... Monsieur Le Foll. Mais oui, j'étais invité, mais cette année... Il porte bien son nom. Non, il est adorable, vous êtes pas bien, c'était un très bon ministre. Vous avez le moins bon rapport avec Monsieur Travers? Oui, Monsieur Travers, je sais pas, j'aime pas trop, j'aime pas ses prises de position. Ah bon? Non, je trouve que par rapport à Stéphane Le Foll, c'est un gros bémol, ce ministre. Un gros bémol. Voilà. Il fait rien pour les rillettes. Je vois pas trop la différence, moi, entre Monsieur Le Foll et Monsieur Travers. Ah, mais Monsieur Le Foll arrive de l'agriculture. Il a été formé, il avait fait un BEP agriculture. Ah oui. Monsieur Le Porc, non, comment il s'appelle? Travers. Non, Monsieur Travers, je sais pas s'il arrive vraiment du milieu de l'agriculture, peut-être. Mais en tout cas, les mesures qu'il a prises sur le glyphosate, etc., m'incitent pas à l'apprécier. Ah oui. Voilà. Parlez-nous un peu du glyphosate, cher Stevie. Pourtant, vous étiez fait pour vous entendre, Monsieur Travers, vous avec votre queue en tire-bouchon. Oh! Donc vous nous amenez des agriculteurs demain, alors mais des candidats de l'émission? Des anciens, oui. Ah, des anciens. En fait, maintenant, vous ne savez pas, mais vous faites partie maintenant du salon de l'agriculture. C'est-à-dire, ils viennent une fois par an au salon et puis ils vont aux grosses têtes. C'est pas vrai. Si, et il n'y a pas assez de place malheureusement demain, mais sinon je vous en aurais amené deux fois plus. Oh bah c'est très bien. Oh, parce qu'après il y a l'odeur et tout. Oh bah si, quand même. Si, quand même. Qui n'est pas allé au salon d'agriculture ne connaît pas ce problème. N'importe moi, j'adore l'odeur. Ah oui? Ah, j'adore. C'est pour ça qu'on vous a mis à côté de Péroni. Oh non, mais l'odeur de bouse et tout, moi j'aime bien la campagne. Enfin, ils n'ont pas l'odeur de bouse, c'est pour ça qu'on vous a mis à côté de Karine. Mais non, mais l'odeur de la ferme, j'aime bien cette odeur. Oui, c'est ça. Ouais, enfin, quand tout se mélange, quand tu fais une matinale, j'en ai fait de radio à 6h du mat, que tu déboules avec un mélange d'odeurs de pisse de vache, de porc, de fiente. Bah, t'es pas obligé de te rouler dedans, hein. Tu sais. Non, mais on te met à côté, excuse-moi. Hein. Monsieur Macron, quand même, qui est resté toute une journée, je peux vous dire que Brigitte, le soir, quand elle lui a fait prendre son bain, elle a dû vraiment astiquer. Hein. Oh. Ça a été quelque chose. Ne faites pas les gestes, monsieur Ruquier. Mais vous pensez vraiment qu'ils prennent un bain ensemble, qu'ils se lavent ensemble, qu'ils sont dans la même salle de bain? Oui. Ils ont autant de promiscuité? J'espère pour eux. Ben oui, parce qu'elle aime bien quand ils restent longtemps dans son bain, parce que vous savez, le bain, ça fripe la peau. Comme ça, ils sont à égalité. Oh oh. Mais n'importe quoi. Oh, oh. Vous n'êtes pas bien. Ben. Puis l'avantage, c'est qu'il y a deux grandes toilettes pour lui. Oh, j'adore Brigitte. Elle est géniale. Elle est pour vous, la première citation, monsieur Perroni. Ah ben, ça va être de la picole à tous les coups, vous allez voir. Qui a dit, pour savoir qu'un verre était trop, encore faut-il l'avoir bu. Johnny Walker. Jean Carmet, peut-être. Non. C'est un Français. Un Français. Un buveur. Un Français qu'on cite assez souvent, mais pas si souvent que ça. Et il est mort. Ah oui, il est mort en 1929. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Courteline, voilà. Bonne réponse de Florian Gazan. Et puisqu'on était dans l'agriculture, pour M. Buisseret de Charleroi, qui a dit « On est gouverné par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient même pas faire pousser un radis. » Jean Gabin, dans Le Président de Michel Audiard. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors, écoutez, je vais trouver des citations plus difficiles, parce que là... Oui, ça... parce que là... Ah, pardon, pardon, mais je prends même pas la peine de répondre, là. Il n'y a pas des phrases des visiteurs de clavier, parce que là, je... Plus difficile, la citation suivante pour Vincent Magnès, qui habite Canet en Roussillon, qui a dit « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. » Woody Allen, oui. Non, justement. Un Américain ? Il l'a piqué à quelqu'un, alors. Woody Allen l'a piqué à quelqu'un. Un Américain ou un Français ? Alors, un Français, plutôt, j'ai envie de vous dire plutôt Américain, mais anglo-saxon. Naturalisé. Canadien ? Mais récemment. Ah, mais non, pas du tout Américain, d'ailleurs. Ah non. Australien ? Ah, mais j'ai confondu avec... Ça, c'est drôle, alors. Ah oui, c'est gouré. Ah, c'est un homonyme. Non. Vous vous direz après. Non, mais... Alors, c'était plutôt quelqu'un, on va dire, des pays de l'Est, vous voyez. Des pays de l'Est. Ah, un juif de l'Est qui est parti après aux États-Unis ? Oui, non, il n'est pas parti aux États-Unis, mais en tout cas, il a été connu, très connu, en Allemagne. Adolf Hitler. Non. Redites la citation. Il est mort en Autriche, vous voyez, mais à cette époque-là, ces pays, ça bougeait beaucoup. Oui. Ah oui, d'accord. C'était l'Autriche-Hongrie encore ? Mozart. Voilà, Autriche-Hongrie, comme vous dites. Il est né à Prague et il est mort à Kerling. Kafka. Franz Kafka, et que j'ai failli confondre avec Frank Zappa, en fait. Ah oui. Franz Kafka, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. Citroën. Eh oui, même pendant l'été, Citroën reste toujours à vos côtés. Venez découvrir nouvelle berline Citroën C4 Cactus ultra confortable grâce à ses suspensions avec butée hydraulique progressive Citroën à partir de 179€ par mois, entretien et garantie 300 compris. Citroën. Location longue durée 36 mois 30 000 km, premier loyer de 2 400€ réservé aux particuliers jusqu'au 31 août sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Une île paradisiaque, une bande son légendaire et un casting 4 étoiles. Ça vous rappelle quelque chose ? Mais qu'est-ce que c'est que cette île ? Mamma Mia, Here We Go Again. Venez chanter, danser et rire une nouvelle fois. Allez, on a une fiesta à organiser. Mamma Mia, Here We Go Again. La comédie feel good de l'été est de retour, actuellement au cinéma. Avec RTL. Mardi, 9h du matin. Après avoir fait le plein dans une station-service Total, Étienne, 32 ans, membre du club Total, arrive sur son lieu de travail, ouvre sa boîte mail et là, il se met à crier. De joie ! Eh oui, c'est écrit, il vient de gagner un an de carburant ! Un an ! Vous aussi, adhérez gratuitement au club Total et tentez de gagner chaque semaine un an de carburant juste en faisant le plein. Dans les stations participantes, hors station accès, soit conditions sur total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Le grand jeu RTL de l'été. Dans quelques minutes, nous jouerons au grand jeu RTL de l'été. À gagner tout à l'heure un chèque de 1 000€ ou un téléviseur ultra haute définition de plus de 120 cm. Ça va aller, il y aura assez de place à la maison pour le mettre, oui. Bon, pas de problème. Alors vous pouvez dès maintenant vous inscrire 3210 ou vous envoyer par SMS ETETE au 74 900. Et bonne chance et à tout à l'heure. RTL, Tour de France 2018. Sur la route du Tour, Nicolas Georgerot, il est sur la moto RTL. Bonjour Nicolas. Bonjour, effectivement le final de cette 19e étape entre Lourdes et la Reims, alors que nous sommes vraiment dans le final de cette étape, les 20 derniers kilomètres qui sont en descente dans le col de l'Obisque à 80-90 km/h avec le groupe maillot jaune. Il y avait un homme au passage en tête du col de l'Obisque, Raphaël Maïka. Il a été repris par ce groupe maillot jaune où il y a notamment Pardet, Thomas Froome, Dumoulin, Roglic et Kreuzweig, donc les meilleurs en fait du classement général qui sont là et qui vont se disputer cette victoire d'étape à la Reims d'ici maintenant quelques instants au terme de ces 14 derniers kilomètres de descente. Les grosses têtes de l'été sur RTL jusqu'à 18h. Nous étions le 11 janvier 2018 face aux grosses têtes, les auditeurs d'RTL. RTL, une question. Les auditeurs face aux grosses têtes. Monsieur Collineau est au téléphone. Bonjour Boris. Bonjour Laurent, comment allez-vous ? Ben pas mal, et vous habitez Fondette dans l'Indre-et-Loire ? Ben oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites à Fondette ? Qu'est-ce que je fais dans la vie, vous voulez dire comme métier qui fait rêver? Voilà. Ouais, oh, bah, je travaille dans un centre informatique de l'administration. Et ben voilà. Du bonheur, quoi. Hein. Ça calme direct. Il est marrant, monsieur Collineau. Oui, il est bien, monsieur Collineau. Il fait ce qu'il peut. Bah, écoutez, en tout cas, il va pouvoir peut-être partir en croisière avec Brittany Ferry. C'est pas mal. Elle est pas mal. C'est pas le nom d'une meuf. Elle est pas toute jeune, mais elle est bien. Brittany Ferry, la compagnie qui vous emmènera à Londres, en Écosse, en Irlande, en Espagne ou au Portugal. Vous choisirez votre destination sur brittanyferries.fr. Ouais. 2 jours, 3 jours, 1000 euros en tout cas le voyage. Ça vaut le coup de vous battre, Boris. N'est-ce pas ? Attention, Florian Gazan est là. Ariel Dombal. Oui, je sais bien. Ariel Dombal est très en forme. Michel Bernier ne l'est pas moins. Gisbert, c'est tout surtout. Gad Elmaleh, là, d'un seul coup, vient de faire quand même, il faut dire, un retour monumental en deuxième heure. En revanche, Pierre Bénichou s'endort un peu en deuxième heure, toujours. Et Laurent, est-ce que vous avez 30 secondes? J'aimerais bien vous raconter un rêve étrange que j'ai fait cette nuit. Attends, je vais pisser, je reviens. Encore? Mais c'est la prostate. Allez-y alors. Alors, on était le 24 février, c'était le jour de mon anniversaire. Et oui, on a ça en commun, je sais. Bon. Très bien. Ah, t'es poisson aussi? Ouais, Collino est poisson, comme Pierre Bénichou d'ailleurs. Bref, on était en mode méga banquet, genre Astérix, vous voyez, les sangliers, tout ça. C'était sympa, on avait même fait venir un petit chanteur. Un jeune poète creusois à casquette de 28 ans avec des textes ciselés, des mélodies d'enfer. Dans l'arbre, on avait attaché une vieille dame à l'âge incertain qui proférait des insanités. Et là, paf, je me suis réveillé. Boris, je peux vous poser la question là à un moment donné? Jean-Michel Autaquet. Ou Jean-Michel à peu près. Oui. Et Boris. C'est Boris ou c'est Maurice? Ah non, Boris. C'est quand t'es enrhumé. C'est pas... Vous voulez pas poser la question, ça va être interminable. Ça, c'est quand il est malade. Boris va falloir maintenant répondre. Boris. Allez, c'est parti. Allez, Boris. Ma femme s'appelle Boris. Et Boris, d'abord, on va se calmer. On se calme direct. Direct et on redescend d'un étage. Tout à fait. Allez. Et d'ailleurs, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'est rigolo. Si tu nous piques tous nos bonbons. C'est rigolo, Boris. Bob du Grand 8. Boris. Bob du Grand 8, tu te souviens de moi. Tu te souviens, Bob du Grand 8. Voici la question donc, qui va peut-être vous emmener chez... Où vous voulez d'ailleurs. Vous partez où vous voulez. Britannique. Mais partez. Mais loin. Loin, loin. Voilà. Genre aller en Islande. D'ailleurs, je vais vous dire, vous avez gagné le voyage. Merci beaucoup. Ce sera un aller simple, hein, par contre. Hein. C'est la différence avec la scène. Car j'ai bien entendu, vous avez dit que c'était... Bah oui, c'est bien Sébastien Loeb. Mais oui, qui le s'est Dakar, oui. Ensablé dans le Dakar. Bravo. Bonne réponse de Boris. Dites donc, Loeb, quand même, il s'est ensablé. Hein, vous avez vu ça. Il ne gagnera pas. Dans le Dakar. C'était la troisième fois qu'il faisait cet le Dakar. Cet auditeur a parlé plus que moi dans cette émission. Et même plus que Pierre, c'est pour te dire. Même plus que Pierre. Non, mais écoutez, en tout cas, sur le Dakar, on est triste pour Monsieur Loeb, Sébastien. Ah ouais. Parce que quand même, il a gagné tant de rallyes quand il était pilote de rallye. Et là, d'un seul coup, il fait c'était le Dakar. Son dernier. Oui, mais. Oui. Charles Aznavour aussi, il a fait un dernier concert. Hein. Ah oui, il y a 30 ans, t'as raison. Non, mais là, écoutez, franchement, il est obligé de recommencer une fois, Sébastien Loeb. C'est pas de sa faute à lui, hein, c'est la faute de son copilote. Ah bon, il était... Ah bon. Ben oui, enfin, non, c'est sa faute à lui, parce que c'est lui qui quand pilotait, même. Sébastien Loeb, mais c'est son pilote, copilote, qui a été blessé. Dans mais la... parfois, je sais plus ah de oui, quoi mais comment vous ça blessé bah, il a donné un mauvais coup de volant. Il a donné un mauvais coup de volant. Voilà, c'est ça. Et la voiture s'est enterrée jusqu'à la carrosserie, et son copilote, qui s'appelle Daniel Elena, a été blessé. Ah, c'est une femme. Non, mais c'est quoi, un homme. Mais c'est quoi Elena, Daniel. Non, Daniel Elena, il a été blessé au coccyx. Mais c'est quoi la question? Ah, ça fait mal, ça. C'est pourquoi il... Non, le coccyx, il n'y a rien de pire. Ah, il n'y a rien de pire. Moi, j'ai vu un type se faire casser le coccyx. Je jure que je n'ai jamais autant ri de ma vie. C'était un mec qui roulait, qui était un type, il cassait la gueule à tout le monde. T'es dans un bar, et j'avais un copain qui était là, et il y a une fille qui prend une gifle du mec. Oh. Le type arrive, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mon pote, il était très costaud les bras, tu vois. Comme toi, un peu. Ah, moi, c'est les jambes surtout. Tu vois. Bon, il prend le mec par les épaules, il le soulève, il l'assoit sur le bar, comme ça. Aïe, aïe. Et j'ai vu le mec, le costaud, le rouleur, le mac qui frappait les filles, éclater en sanglots comme un enfant. Il avait cassé le cul, dis donc. Il avait cassé le coccyx. Il faisait, J'ai ri. Attends, c'est une bonne histoire. Ouais. Vous n'avez pas dû la raconter aujourd'hui. Vous voulez pas partir avec Boris Collineau dans Voyage Brittany Ferries. RTL, Radio Guidage. La route des vacances, zéro tracas, c'est avec MMA. Un point route tout de suite avec vous, Mathilde Bénézé. Oui, alors c'est toujours compliqué. On frôle actuellement la barre des 700 km de bouchons cumulés sur toute la France. C'est particulièrement dense dans la région lyonnaise et ce, dans les deux sens. En direction du sud, on signale plus d'une dizaine de minutes d'attente pour emprunter le tunnel de Fourvière. Dans l'autre sens, c'est encore pire avec cette fois 40 minutes de bouchons pour traverser Lyon et atteindre ce fameux tunnel. Le contournement Est lyonnais est lui aussi chargé, mais on vous recommande toujours de le prendre si vous êtes sur l'A7 en direction de Paris. Prenez donc l'A46 juste après Chasse-sur-Rhône. Vous pourrez ainsi rejoindre l'A6 à la hauteur de la barrière de péage de Villefranche-Lima. C'est l'heure de la pause. Je sais, vous êtes impatient d'arriver, les vacances, c'est sacré. Mais je sais aussi que vous venez de bâiller et que vos yeux vous piquent. Parce que la somnolence est la première cause d'accident mortel sur l'autoroute, MMA vous recommande de faire des pauses toutes les deux heures et dès les premiers signes de somnolence. D'autres conseils sur zerotraca.mma. RTL, Radio Guidage. RTL Tour de France 2018, le prix Antargaz de la combativité. En direct du Tour de France avec cette 18e et même 19e étape qui finit de conduire les coureurs de Lourdes à la Reims. À l'instant même, le prix de la combativité à l'instant vient d'être décerné à l'Espagnol Mikel Landa de la formation Movistar, 7e au classement général, très audacieux, parti seul dans l'ascension du Tourmalet avant d'être rejoint par ses anciens compagnons d'échappée. Il a eu du courage et de l'audace et il sera donc le plus combatif du jour. Prix de la combativité, Mikel Landa, formation Movistar. L'arrivée en direct de cette 19e étape, au total 200 km, dernière étape pyrénéenne, après ceci. RTL Tour de France 2018, le prix Antargaz de la combativité. RTL Tour de France 2018. L'arrivée en direct avec Christian Olivier. Et nous revoilà en compagnie de Nicolas Georgerot pour les 4 derniers kilomètres, descente vers la localité de La Reims après les difficultés du jour. Col d'Aspin, col du Tourmalet franchi en tête par le phénoménal Julien Alaphilippe, col des Bordières ensuite et col d'Aubisque pour le dernier obstacle de taille de ce Tour de France 2018. Un homme en tête pour l'instant qui donne du fil à retordre aux coureurs échappés. Il s'agit du Slovène Roglic. Roglic est en tête avec quelques coureurs derrière. Tous ceux qui sont d'ailleurs placés au classement général. Nicolas Georgerot, Moto RTL. Effectivement, Roglic qui a pris quelques secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. Il y a là Thomas, il y a là Dumoulin, il y a là Froome, il y a là également Kreuzberg qui est un petit peu plus distancé dans cette descente. Bardet est là aussi, lui, Bardet que l'on a vu à l'attaque avec notamment Landa dans le Tourmalet ainsi que le col des Bordères, mais le groupe maillot jaune ne s'est pas affolé et c'est ensuite dans le col de l'Aubisque, dans sa première partie par sous l'or, que le groupe maillot jaune est revenu sur un trio, c'est-à-dire Bardet, Maïka et Landa. Ils ne se sont pas affolés. Il y a eu des attaques de Dumoulin, de Roglic et Thomas a à chaque fois réagi. À noter que notamment sur les pentes, quand même par moment Froome a été distancé avec Bernal, l'un de ses équipiers chez la Sky, mais ils y sont revenus et pour l'instant donc dans ce final sur les tout derniers kilomètres dans cette descente des 20 derniers kilomètres, c'était la descente jusqu'à l'Aubisque, parfois jusqu'à 90-100 km/h, assez sinueuse, assez étroite, mais nous sommes sur une route un petit peu plus large, Roglic qui a toujours quelques mètres à l'avance. Quelques informations importantes au cours de cette 19e étape. Quintana 5e au général largué, qui va certainement et même très probablement perdre sa 5e place au classement général. Peter Sagan, porteur du maillot vert, largué également, qui va se battre, qui va devoir se battre, mais ce devrait suffire pour ne pas être évidemment hors délai et rallier les Champs-Élysées avec un nouveau maillot vert. Et puis on parlait également de Julien Alaphilippe qui a franchi en tête le Tourmalet et la Aspin et Julien Alaphilippe, sauf accident évidemment, eh bien arrivera sur les Champs-Élysées. Ça c'est maintenant officiel avec son maillot à poids de meilleur grimpeur. Roglic tente le tout pour le tout, Nicolas Georgeron, pour déstabiliser Froome qui est troisième au général. 16 secondes entre Froome troisième et Roglic quatrième. Il est en train à 2 km de l'arrivée, peut-être seulement, de parvenir à ses fins. Exactement, il y aura aussi quelques secondes de bonification, ça peut servir. Demain, en plus, Roglic est l'un des tout meilleurs mondiaux au contre-la-montre, exactement comme Froome, mais ça pourrait se jouer vraiment à quelques secondes. Là, nous sommes en train de terminer, alors que nous sommes à 3 km 500 de l'arrivée, 3 km maintenant, mais avec des battus, avec des coureurs, en fait, qui n'arrivent pas à tenir le rythme, qui est assez intense sur le final, c'est-à-dire Jungels, Izaguirre et Bernal, qui sont donc un peu décramponnés du groupe maillot jaune. Mais c'est sûr que demain, à la fois entre Dumoulin, Froome et Roglic, ce sera une belle partie pour à quelques secondes près, avec ses meilleurs mondiaux sur la discipline, sur le contrôle. Et beaucoup de panache hein, pour Dumoulin, qui a procédé à deux attaques dans le Tourmalet, ou plutôt dans le col d'Aspin, la dernière difficulté de la journée. Accélération également de Roglic pour mettre à mal donc la troisième place de Christopher Froome et pour resserrer aussi les positions au classement général avant, vous l'avez dit, le contre-la-montre individuel de demain qui façonnera de façon définitive le podium de dimanche sur les Champs-Élysées. Alors, situation de course, Roglic avec 20 secondes sur le groupe maillot jaune. Ils sont tous là, Geraint Thomas, Dumoulin, Froome. Il y a là également Bardet, il y a également Landa, Dan Martin, Zakarin et Maïka et peut-être même Kreuzfeldt. Ça reste à confirmer, mais peu importe pour le classement général, il n'est pas la Kreuzfeldt pour le top 5. Roglic qui aborde un virage sur la droite, large route pour l'instant avant d'arriver dans la petite commune, donc ici même de Larens dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Et à suivre donc l'écart plus les bonifications. On rappelle les bonifications, Nicolas Georgeron à l'arrivée. C'est 4 pour les 3 premiers. Voilà, donc Roglic qui va pouvoir enclencher, qui va remporter cette 19e étape. Et je vais déclencher évidemment le chronomètre, mais si on devait figer les positions, eh bien on pourrait d'ores et déjà à combien 300 mètres de l'arrivée annoncer que Roglic supplantera Chris Froome à la troisième place du classement général. Le groupe maillot jaune, Nicolas Georgeron. Oui, avec maintenant les coureurs qui sont en train de se dire déjà perçoise avec eux, alors qu'il est à 700 mètres maintenant de la ligne, un virage avec une longue courbe pour essayer de revenir. Et arrivé à l'instant même de Primoz Roglic, les deux bras levés, le chronomètre est déclenché. 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, le groupe maillot jaune est là. Geraint Thomas qui va conserver le maillot jaune, pas d'embûche. Donc il va sans doute remporter, même s'il y a un contre-la-montre individuel demain, remporter le gallois sans premier tour de France. Et il règle le sprint d'ailleurs avec Romain Bardet en troisième position. 18 secondes pour Roglic sur Froome et c'est officiel. Roglic prend la troisième place au classement général. Voilà les principaux enseignements de cette 19e étape qui finissent de conduire les coureurs de Lourdes à Larens, remportés par le Slovène Primoz Roglic devant Geraint Thomas, le maillot jaune, troisième Romain Bardet au classement général. Changement pour la troisième place. Roglic occupe cette troisième place au dépens désormais de Chris Froome qui recule au quatrième rang alors que Thomas Geraint conserve son maillot jaune et Tom Dumoulin est toujours à la deuxième place. Prochain rendez-vous RTL Tour de France dans le journal de 18h. Jeudi 18h, après avoir fait le plein dans une station service Total, Marie, 41 ans, membre du club Total, regagne son domicile. Quand soudain, son téléphone sonne, elle répond, puis se met à hurler. Et oui, c'est confirmé, elle vient de gagner un an de carburant. Vous aussi, adhérez gratuitement au Club Total et tentez de gagner chaque semaine un an de carburant juste en faisant le plein. Dans les stations participantes, hors station access, voire conditions sur total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. En juillet chez Ford, une offre incroyable envahit les concessions. La Ford Ka+, la plus spacieuse des citadines, est à seulement 7550 euros. Profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pendant les Ford Days, la nouvelle Ford Ka+, avec 5 vraies places et limiteur de vitesse, est à seulement 7550 euros. Les Ford Days, c'est chez Ford. Prix maximum d'une nouvelle Ford Ka+ Essential 70 chevaux, incluant la prime à la conversion de 2000 euros sous condition de reprise d'un véhicule éligible. Offre valable jusqu'au 31 juillet, voir Ford.fr.

midi et demi. Ah oui, elle est formidable cette Christine. On l'adore et on l'embrasse bien fort. On vous fait à vous aussi des bisous, Youssef. Merci d'avoir joué et bravo pour ces 1000 euros. Moi qui vous remercie. Merci à vous tous et à toute l'équipe de RTL. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci à vous aussi. Très bonnes vacances. Et puis rendez-vous demain avant 9h pour vous inscrire 3210 ou alors vous envoyez été par SMS au 74 900. Bonne chance. Le grand jeu RTL de l'été. RTL. Suite et fin de vos grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier. Est-ce que vous savez ce qui est apparu pour la première fois sur certaines chaînes de télévision françaises en 2005? On n'avait jamais vu ça avant. La Sainte Vierge. La Sainte Vierge, non. Une signalétique? Une signalétique, pas tout à fait. Est-ce que c'est une publicité? Non plus. On n'avait jamais vu ça sur les chaînes de télévision françaises avant 2005. Et maintenant, c'est commun. Ah, depuis, on s'y est habitué. C'est un concept d'émission? C'est un concept d'émission, non. Ah bah, c'est les logos de la chaîne. Non plus. On sous-titre en français les gens qui parlent français, mais on comprend rien, genre les ch'tis. Ou... Non. Ah mais c'est... C'est pas sur toutes les chaînes, hein, mais c'est sur quelques chaînes de la télévision. L'audio-description? Non. Mais c'est un rapport avec ça? Ça se rapproche, mais... La possibilité d'avoir une traduction dans la langue? Non. Ah, qu'on peut augmenter le son? Non. Le fait de changer de format? Avant 2005, ça n'existait pas. Et depuis 2005, on est habitué à Est-ce ça. Est-ce qu'on est content de ça? On est content et je ne sais pas si on est content. Moi, ça me gêne, ça me dérange. Mais c'est vrai que c'est venu des États-Unis. Nous, on ne le pratiquait pas jusque-là. Ah, on peut arrêter une émission et la voir plus tard. Non. C'est les bandeaux en direct? C'est-à-dire? Les bandeaux, les déroulants les qui déroulants défilent sur les émissions d'infos continues. Ah oui, sur les chaînes d'infos? Sur les chaînes d'infos, les bandeaux qui vous donnent des informations supplémentaires qui ne sont pas forcément celles qui sont sur l'écran. Bonne réponse de Laurent Baffi. Mais pourquoi ça vous dérange? Eh ben oui, parce que c'est bizarre, parce que chez le dentiste, par exemple, quand tu as l'écran au-dessus... Qui est, chez le dentiste pour regarder la télé. Non, mais il y a un écran au-dessus et il n'y a pas le son. Et alors, il y a le bandeau et puis ça ne correspond pas toujours. Par exemple, il y a marqué grande inondation et puis tu es dans une maison de vieux, par exemple. Tu vois, ça n'a rien à voir. Et donc, tu ne sais pas à quoi ça correspond. C'est très bizarre. Et puis, il y a des erreurs. Très troublant. Il y a un papier aujourd'hui dans Libération signé Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts qui recense les bourdes qui ont été faites ces derniers mois. Alors là, par exemple, vous avez sur BFM TV, on voit Dominique Besnéard et c'est écrit en dessous Macha Meryl, comédienne. Oui, non mais... Il y a celle avec Jean-François Copé et Kev Adams. Ah ben Kev Adams et c'est la tête de Jean-François Copé. Vous avez aussi... Et l'orthographe aussi. Vous avez aussi un Africain, j'imagine que c'est pendant la guerre au Mali. On voit un Africain en gros plan et c'est marqué en dessous survivant, premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est vrai que c'est troublant de toute façon. On n'est pas connecté pour tout bien comprendre, en tout cas moi. Qu'est-ce mais quoi, oh là là. Moi, j'ai une télé, elle est coupée en deux, je peux voir deux films en même temps. Ah oui, c'est la fonction, on appelle la fonction pipe, si je puis me permettre. Oui, j'ai la pipe. Voilà. Et alors, c'est génial. Mais il comprend pas ou quoi? Tu t'es jamais posé la question que tu t'exprimais pas très bien là, vraiment. Dès que tu parles, ça retombe. Explique-lui la pipe. Vous faites retomber, vous voyez, c'est un peu comme un soufflet qui retomberait à cause de vous, hein, Jean-Pierre. Dites-lui, Jean-Pierre, vous qui avez un peu d'autorité sur elle. Non, mais il va pas critiquer Christine, il adore les trucs à moins de 10 euros. Là, vous avez reconnu, c'était en 2014, c'est comme ça qu'on entendait notre regretté Jean-Pierre Coff. C'est un vrai bonheur, c'est Grosse Tête de l'été, parce que du coup, on peut réentendre des émissions et réentendre la voix de Jean-Pierre Coff. Ça nous fait chaud au cœur à chaque fois. À 18h, RTL Soir, Vincent Parisot. Vincent Parisot qui recevra Mathias Vichra, qui est directeur général adjoint de la SNCF, à propos donc de ce trafic interrompu à la gare Montparnasse après un incendie sur un poste électrique. La suite est fin de nos grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier. Brice Teinturier, vous voyez qui c'est Brice Teinturier? C'est le numéro 2 d'Ipsos et il est là souvent à donner les résultats des sondages à la télévision. Mais il vient de publier un livre chez Robert Laffont, un livre pour lequel il a identifié une nouvelle catégorie de Français. Il les appelle les praphistes. Mais qu'est-ce que c'est que les praphistes? C'est les cons? Non. C'est pas le nom qu'on donne à des jeunes qui vont voter pour la première fois? Non, du tout. C'est des gens qui mentent aux sondeurs? Non, du tout. Les préfistes. Ça a un rapport avec le sondage? Indirectement, oui. C'est-à-dire, ils sont la démonstration que le sondage influence le sondage? Non. C'est basé sur un acronyme? Alors, effectivement, si vous prenez le mot praphiste, vous allez réussir à retrouver de quoi il s'agit. Oui. Bah, fiste, je vois, mais pra... Moi, je pense qu'il a bien conclu. Moi, j'ai envie qu'on dise plus rien derrière. Non, c'est au contraire, justement, les quatre c'est premières le praf, lettres oui. qui devraient vous aider. Iste, vous savez bien que c'est pour désigner oui. ceux qui, justement, mais les P-R-A-N, F. Le F serait français? Ah, français, non. Ça concerne des Français ou pas? Ah oui, oui. Et le P, professionnel? Ah non, non, ça pourrait concerner tout le monde. Praf. D'ailleurs, si vous dites praf à quelqu'un, vous verrez, il comprendra ce que ça veut dire. Ah bon? Ah bon? Pas ah oui, ah oui. bah, nous. Ah, ben, praf. Ah, personne prof. Répondant. C'est des profs? Non, les profs, non. C'est d'ailleurs le titre du livre de M. Teinturier chez Robert Laffont. Ça s'appelle Praf. Bon, alors, c'est sauf... des célibataires? Non, sauf que lui, il n'a pas mis praf, il a mis tous les mots, mais il a mis l'acronyme praf. C'est pas, ça a un rapport avec les gens qui se présentent à l'élection présidentielle? Non, pas spécialement. Non, c'est plutôt ceux qui iraient voter ou pas voter, d'ailleurs, parfois même. C'est ceux qui votent blanc ou c'est ceux qui s'en foutent, en fait? L'abstentionniste? Ah. Ceux qui s'en foutent? Ceux qui s'en foutent. Ceux et donc, qui savent pas. Ah, personne qui n'a rien à foutre. Alors, mieux que ceux qui vont pas voter, donc. Alors, mieux que ça, vous l'avez, donc. Ouais. Rien à foutre, mais. Et donc, le P, c'est? Personne. Personne. Non. Plus rien à foutre. Plus rien à foutre. Ah. Ceux qui en ont plus rien à foutre. Ouais. Bravo, plus rien à faire, plus rien à foutre. Les praphistes, bonne réponse. Ceux qui s'en foutent, j'étais pas loin quand même. Hein. Bonne réponse de François Rollin. Monsieur Bigard, petite histoire. Praf, praf. Sur les praphistes. C'est le mec qui arrive chez le médecin et il lui dit bonjour docteur, j'ai un problème parce que en ce moment, dès que je parle entre deux mots, le médecin dit attendez, calmez-vous, hein. Arrêtez. Là, il se lève, le médecin, il y a une grande armoire, et derrière lui, il l'ouvre, et il sort une manivelle immense, avec un crochet, tu sais, au bout. Et l'autre, il prend peur, il dit, docteur, vous allez me mettre ça dans le cul? Il dit, non, je vais ouvrir les volets. RTL, première radio de France.